T'as pas ça? C'est quel? Waouh, c'est bon. C'est bon là. Ça, c'est le soleil. La soeur Alice, raconte-moi à la maison le retour d'hier. J'ai fait comme ça. Oui. J'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, ça va être. Oui. Bonsoir maîtresse. Nous, on est en couple un peu théâtral, donc c'est un peu normal. Mais t'as pas posé de questions? Pourquoi? Par rapport à cette. Non. C'est là qu'on va pas s'entendre. Ok. Non, je ne lui pose pas des questions. Parce que comme c'est un intellectuel, il va m'embrouiller. Oui. Oui, je suis sûre. On était modeste. Oui, il faut éteindre puisque c'est. Ça coûte aussi de la chambre. On va prier. Et puisque le Seigneur nous disposait le sujet de ce soir, je suis le frère Junior, d'accord? Voici Grace Chapta. Venant du Cameroun pour vous. Oh, l'autre soeur, elle est. Je crois qu'il faut qu'on prie. On commence. Père, nous te sommes reconnaissants pour cette toujours que tu nous donnes dans cette merveilleuse ville, la ville de Genève, ici en Suisse, où il y a des merveilleuses personnes et surtout des personnes qui cherchent et te cherchent de tout leur cœur. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment glorieux que tu nous donnes. Je prie au Dieu de gloire que tu nous donnes de comprendre l'importance de ce moment et du pourquoi tu nous as envoyés ici, dans cette ville. La grâce au Dieu de gloire que tu donnes à tous ceux qui sont ici d'entendre de toi. J'ai prié au Dieu de voir qu'au-delà de cette chair, au-delà de cette voix, ils entendent la tienne. Ils entendent, ô Dieu de gloire, ce que tu as donné comme instruction et l'importance de cette heure. J'ai prié au Dieu de gloire que tu accomplisses dans chacune des vies ici ce dont tu as destiné dans ton plan parfait selon ton dessein souverain. J'ai prié au Dieu de gloire que tu leur donnes la nourriture dont leur âme ne s'en débarrassera point. J'ai prié au Dieu de gloire que tu leur donnes d'être agréable afin que ce jour grand et glorieux qui est au-devant de nous, nous serons tous unis avec tous les saints d'antan qui attendent ce jour merveilleux. Donne-nous d'être sérieux avec notre marche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes tous de la Genève ou bien de France aussi? Vous venez de la France? Entre les deux, je vais vous dire pourquoi j'ai vécu mon mariage qui m'a amené à la prochaine. À Lyon. À Lyon. Normalement, donc, je vais me soumettre à vous. Dans un instant, je vais toucher la Bible. Et c'est pour rien que je dise des choses qui vont vous choquer. Et ça sortira de votre Bible. Comme vous avez les Bibles avec vous, on va procéder ainsi, si vous le voulez bien, par des questions-réponses. Je suis à votre service. Vous posez toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Ça va, bébé? Regardez comment elle rit. Elle dit, c'est juste à la tête d'un Camerounais. C'est ce qu'elle dit dans son cœur, là. Donc, vous posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Sinon, quand je vais commencer à parler, il y aura des questions à coup sûr. Comme la séance d'hier, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Alice? Oui. Voilà, nous avons passé le bon moment. Moi, je vais. Oui? Je peux? Qui a la question? Mais je vais quand même poser une question qui sera très pertinente, mais j'espère que je ne vais pas. Ça ne va pas déranger les gens, donc je vais d'abord m'excuser parce que c'est un peu personnel. Oui. Et c'est un peu. Tu as quel âge, toi? Non, mais c'est pas une petite fille de toute façon. Non, c'est mal parce que... Dans 7 ans, on fait sortir la bébé alors. Non, le bébé, il comprend en Christ, lui, là, quoi, c'est un ange, il n'y a pas de problème. Donc, là où j'ai été délivré, est-ce que je dois encore avoir, parce que je dois encore avoir les rapports, je peux encore avoir les rapports sexuels avec mon conjoint ou... C'est pour ça que j'ai dit, je vais causer avec toi en particulier, parce que non seulement il y a des choses dont je te disais que... Ils sont de l'ordre spirituel du côté des. Vous appelez voilà, parce ceci. Que. Ok. Et de l'autre côté, maintenant, il y a un thème dont je vais parler avec toi. Par exemple, on prie et on demande le Saint-Esprit de parler de cette chose-ci. Donc, il faut qu'on parle face à face. Ok. D'accord. Donc là, je mets à côté parce que c'était très très important. Ça rôde dans ma tête depuis parce que je sais que. Si ça rôde dans la tête, ça montre qu'il y a un problème. Ouais. Je ne veux plus être contaminé. Oui. Mais la Bible déclare dans ce livre de Jean, chapitre 8, verset 31, que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. J'attends les questions. C'est un amour. Elle cause. Quand elle est venue, elle causait, maintenant tu ne causes plus. S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Vous avez les Bibles, n'est-ce pas? Ok, si possible, mettez le téléphone sur vibrant, bien sur silence, pour que ça ne nous dérange pas durant ce moment. Un jour, les disciples et la population étaient devant le Seigneur. Il a commencé à leur poser la question, ça se trouve dans le livre de Matthieu, ce que je veux dire. Il a posé la question, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Je parle comme ça dans l'optique de votre titre pour vous poser des questions déjà. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Vous êtes allé voir les gens qui sont bien habillés? Il dit non. Il dit, ceux qui sont bien habillés collaborent avec les rois. Puis il dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Quand il parle de dans le désert, il voulait dire, quand vous êtes allé à la prédication de Jean-Baptiste, vous espérez voir qui au juste? Il dit, un homme agité par le vent. Il dit non. Vous savez, c'est aujourd'hui, non, acheté par le vent. Donc, c'est celui qui écoute, nous avons, il va dans ce côté. Quand pas de voir, ils ont pas ici, pas là-bas. Et Ronald dit que tu veux manger à table avec lui, il est là-bas. Il dit, c'est pas comme ça que lui se trouve. Il dit, un prophète, il dit oui. Vous dis-je, plus qu'un prophète. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Car c'est celui dont il est dit, j'envoie mon messager devant toi, il préparera le chemin. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire? Il voulait dire, Jean-Baptiste est un prédicateur à part entière. Et entièrement à part. Et qui n'est pas similaire et similable à d'autres styles de prédicateurs qui s'y trouvent. Mais les gens se sont rendus compte qu'il était au désert, prêchant un style de message qu'il avait dit avoir avec ce que les gens disaient dans la synagogue. Le baptême n'était pas écrit dans la Torah. Dans la synagogue, on n'en parlait pas. Mais ils sont là, ils disent que repentez-vous. N'aie pas peur, mon ami, n'aie pas peur. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous. La Bible déclare les foules venaient partout et venaient vers lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que celui qui a deux, tu dis dans un à celui qui n'en a pas. Simple comme évangile. Simple. Les Romains ont dit, ah, les soldats. Et nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas grand-chose. On n'a pas demandé de quitter votre travail. Contactez-vous de votre solde. C'est difficile, ça. Donc, il y a des choses évidentes qui se trouvent aux côtés de nous. Nous négligeons. Et Dieu est obligé de descendre du ciel, envoyer le message pour rétablir les gens. Quand la Bible vient, quand Dieu envoie un prédicateur sur la terre, il n'amène jamais rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il dit des choses qui sont là-bas. Parce que chaque fois qu'on a dévié de la voie, il faut remettre les gens sur les rails. Ça veut donc dire que tout ce que nous allons partager ici vont se retrouver là-bas. Mais il se pourrait qu'on est allé à gauche ou on est allé à droite. Et comme c'est écrit là-bas, et comme il nous a envoyé ici pour parler de ces choses, c'est comme ça que ça doit se retrouver. Parce que le jour là, il y aura des livres dans les cieux qui seront ouverts. Et c'est là qu'on va lire le livre de chacun de ce qu'on a fait de la parole du Seigneur. Il attend les questions. S'il n'y a pas de questions, je vous pose la première. Sentez-vous libre. On commence par là-bas ou bien on commence par ici. Ou bien par ici. Amen. Il y a des questions. Il y a des questions. Posez toutes les questions. Depuis ma taille, mon âge, tout ce que vous voulez savoir. Elle a une question. Ok, pose non, alors. Bah, c'est elle qui a parlé de ça. Elle a évoqué un sujet. Après sa délivrance, je crois avant la délivrance, et elle disait, elle connaît la volonté de Dieu. Là, tu lui as posé. Ok, dans ce cas, nous sommes les 10 Jean au chapitre 9. Le verset 31 nous a dit clairement que, mais celui-là qui honore et connaît et fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui l'exauce. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 9, verset 31. Et la question était, c'est comment, c'est quoi honorer Dieu? Et c'est quoi honorer Dieu et faire la volonté de Dieu? Dans ce verset, c'est contenu. Verset 30 dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et faire sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ça devait faire vraiment un sujet. Je honore ou bien je fais la volonté de Dieu? Je sais plus ce que j'avais écrit. Tu veux savoir quoi? Honorer ou faire la volonté de Dieu? C'est deux points différents. C'est deux points différents, mais j'aimerais savoir vraiment comment honorer Dieu et faire sa volonté. Je sais que faire la volonté de quelqu'un, c'est que tu fais les lois de Dieu, c'est ça, non? Faire la volonté. Oui. Bon, maintenant, comment honorer Dieu? C'est ce que je voulais dire, que faire la volonté, ça, je peux se dire que bon, Dieu a dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras jamais point, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mmh. C'est ça, non? Mmh. Bon, maintenant, honore, c'est ce que je voulais savoir. Je vous demande si vous pouvez un peu approfondir la volonté de Dieu. Peut-être que c'est peut-être pas similaire par rapport à ce que nous écoutons habituellement. Voilà. Donc, dans la Bible, il y a alors les volontés directes de Dieu et les volontés intrinsèques. C'est-à-dire que les volontés de Dieu sont dites de la Bible de façon directe, soit indirecte. Regarde la porte, c'est comme si j'avais trouvé le bonbon. Elle veut qu'elle rigole aujourd'hui, elle veut qu'elle regarde la parole. On y va maintenant. Ouais. Soyons sérieux maintenant avec la parole. Prenez la Bible. Je recommence encore. Là, dans ces gens, chapitre 9, de verset 30 à 31, c'est là où on a pris cette question-ci. La question, cet aveugle qui avait été guéri par le Seigneur Jésus-Christ a dit à la foule, ou bien au sacrificateur, ou bien aux pharisiens, il a dit que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. On va d'abord vérifier ses dits, si c'est vrai. On va d'abord vérifier si ses dits sont vrais. Nous sommes d'accord? Donc, vérifions d'abord si Dieu effectivement exauce ceux qui l'honorent et font sa volonté. Vous êtes prêts à prendre les écritures? Notez Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, les versets 9, puis verset 13. Vous avez noté? Oui. Jacques 8. Il dit pour moi, chapitre 28. Ah, 28, là. Verset 9 et verset 13. Jacques, le chapitre 4, verset 1 à 8. Jacques, le chapitre 4, verset 1 à 4. À 8 même. On avance. Proverbe chapitre 8, verset 30 à 33. Proverbe 8. 33. On avance. Bon, il se plaint, hein, si vous voulez commencer à aller comme ça dans cette direction, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 2. Verset 14 à 16. Et 1 Jean, et le chapitre 5 cette fois-ci, verset 14 à 16 encore. 1 Jean toujours. Chapitre 5 cette fois-ci. Bon. Verset 14 à 16. Toujours. Donc, premièrement, nous voulons vérifier si les dits de ce monsieur de Jean chapitre 9 sont vrais. Parce qu'il a dit à la foule, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui, c'est celui-là qui fait et qui l'honore et fait sa volonté. On va finir là. Après, on va vérifier si c'est vrai. On va arriver au niveau de faire sa volonté. C'est quoi faire sa volonté? Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Alors, certains de ces enseignements-là donc, sont contenus dans le site YouTube Bamba Iba, où il y en a plus de 600 enseignements là-bas. Vous pouvez vous en référer parce qu'on a traité de ces cas. C'est qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Comment communier avec le Saint-Esprit? C'est quoi la prière? Vraiment, juste toutes les questions sont posées. Il y en a 600 enseignements là-bas. Maintenant, c'est quoi le YouTube là? Bamba Iba, c'est simple. Bamba Iba, sur YouTube. Emma. Bamba, c'est aussi simple. Bamba, B-A-M-B-A. Oui, espace maintenant, vous mettez Iba. Bamba. Puis Iba, I-B-A. Vous allez sur YouTube, vous tapez Bamba Iba. C'est le nom du frère qui est en Côte d'Ivoire qui gère cette cible là. Okay. Si vous allez là-bas, vous allez avoir une liste d'enseignements dont c'est fonction de votre préoccupation et les questionnements que vous avez. Je crois que au sortir d'ici tout à l'heure, je vais mettre d'abord, vous allez voir la liste des enseignements. Et là, vous pouvez savoir, selon votre préoccupation, passe par le mariage, les rapports sexuels, les styles des rapports sexuels dans le couple, les délivrances et autres, tout ce que vous pouvez avoir comme sujet. Tout est traité là-bas. Dans Proverbe, dans chapitre 28, tout ce que je vais dire maintenant, vous pouvez vérifier dans la Bible maintenant. Vous pouvez ouvrir Proverbe chapitre 28. Il y a des psaumes que vous connaissez. Oui, la sagesse, on appelle le proverbe. Et vous récitez ça chaque fois dans le psaume 34. Mm-hmm. Vous récitez chaque fois. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous récitez cela. Et personne ne comprend pourquoi. Mm-hmm. On est là, il campe pas autour de tout le monde, mais autour de ceux qui le craignent. Chapitre 28, si vous ouvrez le psaume, le proverbe est juste après. Chapitre 28 d'abord. Mmh, vous y êtes. Le verset 9 dit, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une... Encore. Sa prière même est une... Abomination. La sœur n'a pas encore trouvé. Tu as trouvé là. Vous savez pourquoi j'en ai fait comme ça, hein? C'est pour que vous n'ayez pas d'excuses. C'est-à-dire que vous avez vu dans la... Vous n'avez pas dit qu'il y a un cougar qui était venu du Cameroun là. Proverbe, c'est juste après le psaume. Il n'était même pas habillé en veste comme les pasteurs ordinaires. Il n'avait pas de col blanc. Il nous a raconté des bobards. Je veux que vous voyez pour que si je vais, vous oubliez ma voix, vous pensez à la Bible. Parce que c'est votre Bible à vous. Dans le Proverbe chapitre 28, le verset 9, il dit celui qui. Non, il dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ce monsieur-là, dans ces gens chapitre 9, dit nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, ça commence à avoir un sens, parce que la Bible nous dit, mais si quelqu'un l'honore, vous voyez, et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si quelqu'un détourne l'oreille, il ne peut pas écouter la loi. Donc, Dieu parle, je ne veux pas écouter, ça veut dire, n'est pas même pas prié. Si Dieu dit quelque chose, tu dis, ah, ne va pas prier. Parce que c'est le même Dieu qui a dit ici, que tu es censé invoquer. Donc, tu as de tenter Dieu en priant. Donc, normalement, quelqu'un qui vit dans le péché, il n'a qu'une seule prière à avancer avec Dieu. Si quelqu'un vit dans le péché, la seule chose qu'il va dire, le premier pas à avancer avec Dieu, c'est la repentance. C'est la prière des repentants. Ce n'est qu'après la repentance qu'on peut commencer à parler à Dieu. C'est ça, parce qu'il faut que le péché soit ôté. Dans Isaïe chapitre 59, verset 1 à 4, il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni ses oreilles assez dures pour entendre. Ce sont vos cris qui créent une barrière, qui créent une séparation entre vous et lui. Vous voyez? Donc, il faut que la barrière, donc, d'abord soit ôtée. Et puis, donc, là, il dit, lorsque vous appelez, je ne viens pas parce que vous agissez mal. On avance. Le verset 13, donc, dit... Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous avez vu ça? Deux choses. Celui qui avoue les transgressions, puis délaisse. Par au Seigneur, il sait que la fornication n'est pas bien. Pardonne-moi ce soir. Après le téléphone sonne, tu pas forniqué. Si tu fais exactement comme les catholiques, il faut arrêter de prier. Ou bien ne pas jouer le jeu avec Dieu, parce que là, c'est en abomination. Il dit, celui qui cache ses transgressions, ne prospère point, ne réussira pas, n'avancera pas, ne pourra pas s'en sortir, mais celui qui les avoue. Oh Seigneur, remarquez David, dans le Samuel, 1 Samuel chapitre, enfin, 2 Samuel chapitre 11 et 12, lorsqu'il a fait tuer Uri, après avoir pris la femme Bathsheba, lorsqu'on est venu annoncer que ce que tu as fait là, cet homme c'est toi, première chose, il s'est mis à genoux. Et là, le psaume 50 et le psaume 51 ont été écrits. Il dit, je suis né tout entier dans le péché. Oh Dieu, pitié de moi. Lave-moi avec de l'hysope. Et je serai plus complètement. C'est ce que Dieu veut là-bas. Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Un homme qui connaît, lorsqu'on lui annonce faute, première chose, il ne dit pas que je suis un roi. Tu es qui me dit que j'ai péché. Il s'est agenouillé, il s'est couché pendant 7 jours pour que Dieu lui pardonne. Il pardonne à l'enfant qui devait mourir. Voilà l'homme qui a le cœur. Contrit humeur. Il y a eu des clairs que Dieu avec les gens, donc ils ont le cœur maître et blessé. Donc la Bible nous enseigne ici que si on cache des transgressions, on ne peut pas prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Donc ça veut dire que quelqu'un veut s'amender, arranger ses voies selon la voie de Dieu. Alors, c'est celui-là donc que Dieu va exaucer. Et par conséquent, Jean chapitre 3, chapitre 9, verset 31, commence. On comprend que ce monsieur-là dit vrai. N'est-ce pas? Allons dans le livre de Jacques au chapitre 4. Jacques, je vous ai donné ça, je vous avais noté, non? C'est le Nouveau Testament, Jacques. Courage à vous, d'accord? Courage vraiment à vous. Donc, trouver les passages bibliques, c'est d'avoir un fardeau. La soeur s'est trouvé la solution. La solution, c'est qu'elle a mis son doigt à table de matière. Quand ça ne va pas être devant, elle regarde Jacques rapidement. Jacques, le chapitre 4. Celle-ci a fouillé, elle n'a pas vu ce que la Bible est finie, elle a les rangées encore une fois de plus. Dis-moi. Allons-y, Jacques, oui. Jacques, je peux te. Carte. Tu as pas vu la prière, ma soeur. Jacques. The Book of James, chapitre 4. Ça commence justement parce que c'est le sujet de prière qui est là-bas. Et il vous demande, et regardez ce qui est écrit là-bas. Convoitiser. Non, non. Bon, Jacques 4. Jacques chapitre 4, verset 1. Allons-y à partir du verset 1. Allons-y. Qui va lire à haute voix? Mon frère, lit à haute voix. Ah, ça c'est le deuxième. D'où viennent les luttes? Voilà. D'où viennent les luttes? Et d'où vient? D'où viennent les querelles parmi vous? Oui. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Oui. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Oui. Vous êtes meurtrier et envieux. Oui. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et ne vous les possédez pas. Oui. Parce que vous ne demandez pas. Et quand on demande. Vous demandez, vous ne recevrez pas. Oui. Parce que vous demandez mal. Dans quel but? Dans le but de satisfaire vos passions. Après, il nous insulte. Allons-y. Adultère que vous êtes. Oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié en Dieu? Contre Dieu. Oui. Contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Stoppons d'abord là. C'est choquant ça. C'est fort, mais c'est la Bible. N'est-ce pas? D'où viennent les luttes, d'où viennent les disputes parmi vous? N'est-ce pas parmi les combattants qui combattent dans vos membres? Je vois quelque chose, je veux souhaiter avoir cette même chose-là. Je convoite, je ne peux pas avoir. Parce que Dieu ne satisfait pas aux convoitises. Mais ici, il dit que si celui qui veut être ami du monde, sera automatiquement ennemi de Dieu. Donc, pour être ennemi de Dieu, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Il faut tout simplement. Que tu aimes quelque chose du monde. Et là, tu es ennemi de Dieu. Même si tu chantes que Dieu, je t'aime. C'est pas ça. Il est là où il y aura le trésor de quelqu'un. Là sera son cœur. Mm-hmm. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas aimer en même temps le monde, en même temps aimer Dieu. C'est pas possible. C'est pour cela que je suis ici, pour que la ligne soit tracée dans nos croyances. Il faut que la ligne soit tracée dans nos croyances. Vous devez être réveillé. Réveillé, c'est-à-dire, je n'ai pas dit aller faire des bruits dans l'église réveillée. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il faut qu'on prenne conscience pour savoir si oui ou non on marche d'après la Bible. Parce que c'est d'après celle-là que Dieu nous a donné. Et c'est sur ce chemin-ci. Il a dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et dans le psaume 119, le verset 9, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit en marchant d'après ta parole. Le verset 4 dit, tu as prescrit tes ordonnances afin qu'on les observe avec soin. Donc il a prescrit ceci pour qu'on regarde comme ça, on marche tel que c'est écrit. Dans Josué 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir. Méditer pour agir. Méditer pour agir fidèlement. Fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors là que tu auras du succès. Que tu réussiras tes entreprises. Le pasteur dit oublie, non. Tu donnes les dîmes. Tu honores le serviteur de Dieu. Tu soutiens le ministère. Dieu va te soutenir. C'est leur verset à eux qu'ils ont aujourd'hui. Dieu lui dit. Si vous méditez et vous mettez en pratique cette Bible-là, tout ce que tu vas faire va te réussir. Dans le psaume 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Puis Dieu conclut, ce type de personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se fait pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc, le fait que Dieu a dit pour réussir, les gens cherchent des raccourcis aujourd'hui. Donc, il est temps qu'on stoppe. Pour chercher si lui ou non en train de marcher avec le Seigneur. D'accord? Cela implique automatiquement donc, que nous touchions donc, exactement c'est quoi la volonté de Dieu. Donc nous avons compris avec ces versets-là, et dans 1 Jean chapitre 2, chapitre 5, nous avons vu, dans 1 Jean chapitre 2 et chapitre 5, il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est ce que j'ai dit là-bas. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait, écoutez bien maintenant le mot, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous avez entendu le mot? Celui qui fait quoi? La volonté de Dieu. Demeure éternellement. Et au chapitre 16, il va dire, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Vous avez entendu le mot encore? Selon sa volonté. Je dois demander quelque chose. Selon sa volonté, on dit, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Dans ces deux passages, on a dit clairement qu'on doit demander selon la volonté de Dieu. On a dit clairement que celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Ça veut dire qu'il aura la vie éternelle. Alors la question c'est quoi dans la volonté de Dieu? La volonté première de Dieu, nous allons retrouver cela dans le livre des Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6. Là, vous n'avez pas, pas encore donné cela. Donc, les premiers passages que je vous ai donné, c'était pour regarder si si l'ascension de ce monsieur de Jean chapitre 9 était vraie, n'est-ce pas? Nous avons convenu effectivement que Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Honore ceux qui sont qui l'honorent. Jean le chapitre 6. On peut y aller. Maintenant, quelqu'un peut-il lire à partir du verset 36? Mon frère lit le verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Oui. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Oui. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Écoutez, donc le Seigneur est descendu du ciel pour faire quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Maintenant, il va nous expliquer quelle est cette volonté. Allons-y. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Stoppons d'abord là-bas. Donc, Jésus, en venant sur la terre, a une volonté de Dieu pour lui. Donc, ça veut dire Dieu lui a dit, ok, comme tu descends là, voici ce que je veux de toi. J'attends de toi que tous ceux pour qui tu vas aller à la croix, que personne ne se perde. C'est ce qu'il écrit là-bas. Or, la volonté de ceux qui m'ont envoyé, de mon Père, c'est que je ne perde personne de ceux qui m'ont donné. Il fallait que Christ va à la croix. Il s'attelle à faire la mission telle qu'elle donnait. Et gloire soit rendue à lui, car la croix, il a crié que j'ai accompli la mission. Tout est accompli. Il a achevé sa course exactement. Donc, on peut être sûr qu'il n'a pas perdu. Et c'est aucune de ses brebis. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, avançons. Mais que je le ressuscite. Je l'ai ressuscité au dernier jour. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Voilà. Vous comprenez pourquoi maintenant, nous avons lu tout à l'heure que celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement, n'est-ce pas? Parce que Jésus a compris la volonté du Père pour lui. Donc, il a rendu la mission claire en sauvant tous ceux qui vont venir à lui. Maintenant, à leur tour maintenant, ceux qui sont sauvés doivent faire aussi la volonté de Dieu. C'est ça que nous allons aller voir. Ça, la volonté que nous sommes ici, c'est la volonté de Dieu pour Jésus. C'est ta mission. Va m'accomplir telle tâche. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté, c'est qu'il ne perd personne. Mais l'implication de tout cela, c'est que à la résurrection, il va nous citer, il va dire, toi passe, et tout le nombre sera là. Continuons. 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Stop. Vous avez entendu? La volonté du Père, c'est que si vous voyez le Fils et que vous croyez, vous avez la vie éternelle. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Continuons. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est quand même glorieux. C'est glorieux ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais c'est quand même malencontreux par la façon dont on le souille aujourd'hui avec nos vies. Continuons seulement, on va voir ça tout à l'heure. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc-il, je suis descendu du ciel? Alors à cet instant-là, il était pour eux une occasion de chute. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, première volonté, si nous croyons en Christ, nous avons la vie éternelle. Parce que Christ est venu pour nous donner la vie éternelle et la promesse de nous ressusciter au dernier jour, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Mais maintenant, les croyants donc qui ont fait cet acte-ci, donc le Christ est venu pour eux, ont une œuvre à accomplir. Là maintenant, c'est le but donc du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a pour but de présenter à la nouvelle créature, à la nouvelle création, la mission accomplie par le Sauveur. Les promesses faites au Père qui ont été accomplies par le Seigneur et ce qu'il attend de nous afin d'accomplir jusqu'à la fin du mandat que le Seigneur lui-même a tracé pour la fin des temps. Il a accompli la course, il est parti. Voici les chrétiens sur la terre. Nous avons un but. Lorsqu'il quittait la terre, dans Matthieu chapitre 28, Il a dit, allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Vous avez suivi le mot, n'est-ce pas? Donc les disciples, les apôtres étaient censés enseigner les disciples, donc ce qu'ils devaient faire, à observer. Donc on est sur la terre, on doit observer quelque chose. La volonté de Dieu, l'une des volontés, c'est qu'on observe ce qu'il a prescrit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous avez vu cela? Il dit, chemin faisant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, dans l'accompagnement de notre mission de prédication, Christ est là jusqu'à ce que le monde s'achève. Il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, tant que ce n'est pas le témoignage n'est pas été établi dans toutes les nations comme il se doit, la fin ne viendra pas. Nous sommes d'accord? Alors, dans la mission post-résurrection, on s'attend à ce que certaines choses soient dites. Un, le prédicateur, parce qu'il prend là. Parce qu'on a pris Jésus. Il meurt en allant au ciel, il donne quelque chose. Ça, c'est au prédicateur. Il dit, allez et faites des nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que. On doit enseigner quoi? Tout. Ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Maintenant, lorsqu'on est en train d'enseigner maintenant, on se retrouve dans le cadre de l'obéissance des personnes à qui ces messages sont prêchés. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Qu'est-ce qu'ils sont censés croire? Comment doivent-ils vivre? Là, on se retrouve dans la volonté de Dieu maintenant pour ceux qui écoutent. Nous sommes d'accord? Hein, mes frères? Mm-hmm. Alors, c'est pour cela que nous sommes là maintenant. Première volonté, vous y êtes? Mm-hmm. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens. La sœur a dit en son cœur que c'est compliqué, les noms de cette livre ici. C'est pour ça qu'il fait tout pour ne pas toucher Nahum ni Habakkuk, ainsi de suite. D'accord? Là, vous étiez dans Jacques tout à l'heure. Oui. Vous rentrez doucement, rentrez doucement. Ça se dit que c'est pas souvent le chapitre. Premier épître. Ça peut être hier. Non, après tu ne pourras plus le trouver. C'est pas derrière cette fois-ci. C'est avant Jacques. Oui. Vous rentrez, vous rentrez avant Jacques, vous allez trouver Hébreu. Avant Hébreu, vous allez trouver Philomon. Après Philomon, vous allez trouver un autre livre. Oui, un Thessalonicien. C'est que vous allez voir est fracassé. Je vous ai dit, c'est vous qui posez les questions. C'est un seul nom. Il y en a un Timothée, deux Timothée, un Thessalonicien, deux Thessaloniciens. Vous y êtes. Ok, maintenant, regardez très attentivement. Les livres que je vous donne maintenant, prêtez attention et commencez à géographiser ces livres-là dans votre cœur parce qu'on risquerait d'y revenir. On avance. Vous avez noté 1 Thessaloniciens chapitre 4. Remarquez tout à l'heure que vous avez été dans Jacques, n'est-ce pas? Et avant Jacques, il y a Hébreu. Donc préparez Hébreu et Jacques. On va y revenir dans ces deux livres-là après cela. Chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Mm-hmm. On peut y aller, je vais lire maintenant. Cinq mots. Vous y êtes déjà, je vais y aller. Oui. Chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Courage, d'accord, mon frère. C'est vrai que c'est pas son. Il a dit, c'est pas sa Bible à lui. Ça avait été sa Bible, il se serait retrouvé à lui. Voilà, maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Regardez très attentivement. Je vais vous fixer les yeux sur votre verset 3. Quatre premiers mots. Je veux que vous me lisez seulement les quatre premiers mots à haute voix. 1, 2, 3. Ce que Dieu veut. Voilà. C'est vous. Non. J'ai dit 4. Quand vous comptez, allons-y. Ce que Dieu veut. Stop. Voilà les quatre premiers mots. Donc, ce qui suit là, on va dire ce que qui veut. On va dire ce que qui veut. Dieu. Dieu, oui. Dieu. Voilà. Écoutez, donc, de façon claire, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des volontés de Dieu explicitement dans la Bible, de façon claire. C'est-à-dire que ici, on voit la volonté de Dieu. Là-bas, on veut décrire que ce que Dieu veut, maintenant, je vais lire, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. La fornication. Donc, Dieu du ciel a dit aux prédicateurs, enseignez les gens aux gens sur la terre. Chérie, donne-lui le sein. Il ne faut pas qu'elle perde ceci. Ne perdez pas cela. Elle peut donner le sein, hein? C'est une maman d'enfant. Hein? On avance là. Mm-hmm. Dans les quatre premiers mots de Saint-Exupéry, chapitre 4, verset 3, disent ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc Dieu veut que les gens sur la terre soient saints. En fait, dans 1 Pierre, chapitre 4, il dit que puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Ici, la Bible commence à mettre la séparation entre le pur et l'impur, entre le saint. Alors là, on doit franchir le pas maintenant pour savoir vraiment si on est chrétien, oui ou non. Souvenez-vous de la question que le monsieur nous a posée. Mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc plusieurs personnes sont dans les églises aujourd'hui, chantent dans les courants, donnent les offrandes, envoient même par Express Union, par MoneyGram. Mais ça ne change pas parce qu'ils croient qu'on monnaie Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Il n'en a point besoin. Parce que tout, il a dit à David que s'il avait faim, il ne lui demanderait pas parce que tous les brebis lui appartiennent sur les montagnes. Vous comprenez? Il dit qu'il ne se nourrit pas du sang. Il veut quelqu'un, il veut que les gens fassent sa volonté. Je peux continuer? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez. C'est quoi s'abstenir? Vous ne voulez plus parler? J'arrête la prédication. Moi, j'ai fumé le bâton, c'est bâton, mais je me suis abstenu, j'ai arrêté de fumer. Donc, abstenir, ça veut dire n'est pas fait. Mais là, il dit, c'est que vous vous abstenez de quoi? De la débauche, fornication. Donc, toute personne qui n'est pas mariée n'a pas droit au rapport sexuel. Ah oui. Vous voyez cela? Le plus grave, c'est que si vous lisez comme ça, désormais, vous n'avez plus d'excuses devant Dieu. Parce que la Bible déclare que le serviteur qui ayant connu la volonté de Dieu, notez ça, Luc chapitre 12. Vous notez le verset 40 jusqu'à 49. Quand vous allez noter ça, vous encadrez comme ça pour que, même si au sortir d'ici, s'il y a quelque chose à garder, vous gardez cela. 40 à 49. Vous avez noté, encadré. Maintenant, je vais citer ce qui est contenu là-bas. La Bible dit que le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, ne s'est pas préparé, comme sa volonté le dit, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc c'est mieux pour vous que vous ne comprenez pas ce que je dis là, vous sortez tranquillement, vous battez. Ou bien vous comprenez maintenant et vous vous amendez à faire ce qui est écrit. D'accord? Mais pour ma part, si vous voulez servir Dieu, il n'y en a point de meilleur que cela. Parce qu'en réalité, tout sur la terre n'est que vanité. Quelque chose que vous pouvez faire, c'est vanité. La vie éternelle, c'est tout. It must be our goal. Ça doit être notre objectif sur la terre. La Bible déclare combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est ce qu'on doit saisir. Si vous voulez n'importe quelle richesse sur la terre, les mondains qui n'ont pas Jésus-Christ, on sait les richesses là. On ne doit pas les imiter. La Bible nous dit interdit d'aimer le monde. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc Dieu s'attend à votre sanctification. Maintenant, je veux que vous me dites ce que vous entendez par sanctification. Que veut dire sanctification? Qu'est-ce que Dieu lui l'avait par sanctification? Il va falloir que ce soit bien compréhensible pour qu'il n'y ait point d'amalgame. Parce que sans cela, on ne peut pas avancer. Vous savez ce qu'on appelle sanctification? Vraiment, d'après ce que Dieu lui appelle sanctification? Non, c'est bon, je vais mettre entre guillemets, je vais revenir expliquer. Il faut qu'on explique. Je comprends mondainement. Mais moi, je ne sais pas ce que Dieu appelle sanctification. Notez 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Notez les versets 19 à 22. 2 chapitre 2, verset 19 à 22. Avant qu'on avance sur ce plan, c'est l'autre part, je vais vous demander, voulez-vous plaire à Dieu? Oui. Vous voulez vivre comme Dieu veut? Oui. Okay. Donc vous voulez connaître sa volonté? Mm-hmm. Parce qu'il a dit, qu'on vous enseigne à observer tout ce que lui, il a prescrit. Remarquez, je lui dis, notez tel verset, pour que vous voyez ce que lui, il a prescrit. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je vais revenir sur votre sanctification, vous expliquant avec 2 Timothée. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. L'impudicité, c'est compris. L'autre mot de l'impudicité, c'est fornication, la débauche. Donc, un homme n'a pas le droit de toucher tes cuisses s'il n'était pas épousé. Nous sommes d'accord? Ou bien vous ne voulez plus... Non. J'avance. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la... C'est écrit là, dans la sainteté. Remarquez le mot là vient maintenant. La sanctification maintenant est utilisée dans la sainteté. Donc vous devez maintenir votre corps dans la sainteté. Donc c'est très important de comprendre ce que Dieu lui a préparé, sainteté. C'est comment vais-je garder mon corps dans la sainteté? C'est le thème de la Bible là-bas, n'est-ce pas? On avance. Souvenez-vous, on a commencé par les 4 mots que Dieu veut. 1. Votre sanctification. 2. Que chacun de vous s'abstienne de la publicité. 3. que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Wow, je m'en vais au ski au Mont Blanc. Wow, je m'en vais en Italie dans le fond de ceci. Wow, je m'en vais par là le coup du monde. Wow, Roger faisait de le jour là-bas. Convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent point Dieu. Vous y êtes avec moi? T'avances? Voilà donc littéralement ce que Dieu veut comme une de ses volontés. Romains chapitre 12, notez et on ouvre. Souvenez-vous, j'ai demandé que vous gardiez Hébreux et Jacques. On avance. Romains chapitre 12. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains. Ok. Cette déclaration, là où je me suis arrêté, la suite dit, c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses comme nous avons déjà annoncé. Puis il dit, celui qui rejette ses préceptes, verset 8, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc, rejeter la volonté de Dieu égale automatiquement, d'après la Bible, d'après Dieu, le rejeter. Rejeter la volonté. Donc, lorsque vous lisez votre Bible, là, vous voyez la volonté de Dieu. Lorsque vous avez rejeté, quand vous avez fermé la Bible, vous dites, ah, à cet instant-là, vous avez laissé Dieu là-bas. Vous vous êtes séparés là-bas. Exactement comme il a dit que, adulté que vous êtes. Ne savez pas que celui qui se fait ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous n'avez pas besoin de dire Seigneur, Seigneur, je ne veux plus de toi. Non, votre comportement, votre prise de position vous met dans un camp clair. Chapitre 12, verset 1 nous dit. Vous avez trouvé Romain. Vous avez trouvé Romain, n'est-ce pas? Chapitre 12, regardez. Chapitre 12, regardez verset 1. Je vous exhorte. Je vous exhorte. Par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. À offrir quoi? Le corps. Pas votre héros. Non. Vos corps. Comme un sacrifice quoi? Vivant. Donc, si vous mourrez, on va prendre l'eau glacée du parc, on va se faire, ça ne changera rien. Vous devez être vivant. C'est vivant que vous devez vous offrir à lui. Comme un saint. Il veut que vous entourez saint. Nous avons laissé sanctification quelque part. Dans la sainteté, quelque part, nous allons retrouver encore saint ici. Le corps doit être saint. D'accord? Saint, virgule, agréable à Dieu. Puis on dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, comment faire que je sache que je suis en train de faire un vrai culte à Dieu? Il faut que j'ouvre d'abord mon corps. Mon corps. Alors, la question devait vous être posée. Comment mon corps doit être donné comme sacrifice vivant à Dieu? Alors, vous devez vous poser la question. Toutes les maquillages que vous faites sur vous, les modifications que vous faites sur vous, est-ce que vous honorez Dieu avec cela? Vous devez vous poser les bonnes questions. Vous voyez une fille, elle laisse le vrai ongle. Elle peut acheter le faux. Elle entre dans une boutique. Elle dit, s'il te plaît, donne-moi le faux ongle. Écoutez encore, je veux que vous écoutez comment ça sonne dans votre cœur. Donne-moi le faux ongle là. Elle prend le faux ongle, elle met où? Sur le vrai ongle. Le vrai. Le vrai est fait pour qui? Le vrai m'abîme. Le faux abîme le vrai. Ok, avançons, je veux que vous le mesurez bien cela. Le vrai là, qui l'a fait? Non, le faux, Dieu. Le vrai, qui l'a fait? C'est Dieu. Le faux, qui l'a inspiré? C'est Dieu. Lorsqu'on prend le faux, on verse le vrai, on veut couvrir quoi? Donc vous rejetez Dieu à cet instant-là. On va quelque part, vous voyez une entreprise, on a dit fossile. On dessine ça comme ça, comme les poupées Barbie. Les entrent là-bas comme ça. Elle te parle, elle peut se fermer les yeux. Elle dit, donne-moi le quoi? Fossile. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Qu'est-ce qu'elle a de dire? Je sens de lire la Bible, c'est dans la Bible que ça se trouve. Ils disent, c'est que je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Saint, ça veut dire ce qu'on n'a pas touché, ce qui est nettoyé, ce qui est propre à bon usage, mis à part, naturel. Que Dieu te bénisse. Donc, tout artifice doit vous quitter. Quand on dit bio. Vous remarquez même qu'ils ont fabriqué les OGM, mais là ils sont en train de lutter pour revenir à bio. Donc, parce qu'eux-mêmes, ça ne les laisse pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il y a de quoi respirer, madame. Regardez bien attentivement. Ça veut dire que tout artificiel doit quitter vos corps. Comment c'est l'homme qui parle? Tu as la réponse. Tu as la réponse. Tu as utilisé le spirit. J'ai dit à tout moment. Si vous ne voulez pas que je parle, vous pouvez dire non. Ah, c'est toi qui t'es encore. Moi, j'ai levé hier. Quand, dès que tu es arrivé ce matin, j'ai levé les cheveux, j'ai levé les hommes. On avance. Donc, pourquoi tu me regardes J'écoute en regardant. Les mèches. Oui. Donc, vous indexez les mèches. Que ce soit n'importe quoi. Je dis artificiel. Puisqu'il a dit au Fribourg, parce que rien ne retournera à Dieu qui vient de lui. Dieu ne prendra pas quelque chose de l'ennemi pour sanctifier. Jamais. C'est pour ça qu'il a dit même que celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Donc, si quelqu'un vole l'argent pour dire, oh, tu es pauvre, et donc tu prends, tu as le problème avec Dieu. Donc, Dieu ne prend pas chez le voleur. Dieu ne prend pas chez l'ennemi. Alors, remarquez très bien. Regarde le verset 2. C'est la Bible là. Hein? Ne vous conformez pas. Je veux que je mette la lunette de Dieu, ma soeur, pour qu'on puisse lire ensemble. Et il m'a que je pose une question. Je ne vais pas poser aujourd'hui. Regardez le verset 2. Bien. Verset 2 de Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous distinguiez, vous discerniez ce qui est un. Ce qui est la volonté de Dieu. Vous entendu? Donc, si vous ne rentrez pas dans la Bible, vous restez à regarder le monde. Vous regardez comment les nanas s'habillent, comment on a montré à Fashion, comment on a montré à elle, comment le magazine Times a dit que les femmes devaient s'habiller. On marche, on se trémousse comme ça. Vous dites que c'est ça le modèle, vous avez tout faux. Il dit, ne vous conformez pas à cela, mais soyez-vous plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, vous devez discerner. Est-ce que ceci, c'est ce que Dieu veut? Non. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous savez, moi, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Ah, je peux continuer? Amen. Il dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, je dois me regarder si mon habillement en tant que femme, en tant qu'homme est conforme à ce siècle. Si c'est conforme, vous devez quitter. Il dit, là, dans ce Romains chapitre 12, là, verset 2, ce qui est agréable. Bon, et quoi? Parfait. Parfait. Donc c'est dans cette progression qu'on marche. N'essayez pas de dire que la chair est faible. Parce que la chair n'était pas faible pour que tu puisses coiffer tes soucis pour mettre le faux. La chair n'était pas faite pour que tu laisses tes cheveux. Tu peux dire tu chauffes. Remarquez bien, vous indiquez que vous faites ce qui est mauvais sans vous en rendre compte. La personne qui vous met les choses sur la tête, vous appelez, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ça brûle, pas vrai? Quand vous mettez le pot, vous prenez là. Vous mettez sur votre tête pour tuer vos cheveux. Elle porte des gants protectrices, n'est-ce pas? Mm-hmm. Est-ce qu'elle peut laver ses doigts? Non. Pourquoi? Parce que c'est la chimie. C'est cela. C'est fait avec des chimies. Mais il faut qu'elle mette sa main sur ça. Elle prend avec sa main pour mettre sur tes cheveux parce qu'elle ne protège pas tes cheveux. Elle prend ça en protégeant ses mains. Pour mettre sur vos cheveux non protégés, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Pourquoi elle a peur de prendre avec sa main? Du coup, m'expliquer. Allons-y. Vous expliquez. Essayez de nous expliquer. Si Dieu vous pose la question. Bon, moi, pour moi, hein, là, je parle de chimie parce que là, c'est un produit qui est seulement fait pour toucher les cheveux, c'est pas fait pour toucher le. Mais entrez, vous, entrez dans la pensée de Dieu, asseyez-vous sur son trône actuellement. Et vous êtes créateur, vous créez une femme noire sur la terre, elle vient devant vous, elle est brune. Vous lui direz quoi? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous direz à Dieu? Si vous êtes Dieu, cette personne se prend de vous. Alice, viens ici. Alice était comme ça. Alice entre, elle est comme ça. Je ne suis pas d'accord parce que j'ai créé un Alice noir. Je n'ai pas créé une Alice jaune. Vous êtes des scènes de ma vie là. Moi, je ne suis pas d'accord avec les cheveux. Non, laissons les cheveux, avançons seulement. Non, parce que l'autre truc, la couleur, comme si je ne veux pas, on ne va pas m'attraper là-dessus. Non, je ne sais pas. Avançons, je suis allé dire ici. La sœur Alice reste à la sœur Alice reste à la place de Dieu. Je ne voulais dire que, en fait, ce que je veux vous dire en tant que serviteur du Seigneur, c'est que le standard du jugement n'est pas selon les hommes, c'est selon Dieu. Donc nous devons nous élever au standard. Remarquons bien ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit aux Juifs que vous savez qu'il a été écrit si vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convertir dans son cœur, il l'a déjà commis. Vous savez ce que ça veut dire? Non. C'est vraiment dire, vous pouvez quitter votre maison en venant ici, vous commettez 400 adultères. Vous savez ça? Ça veut dire que votre habillement cause problème. C'est Jésus qui dit. Et il a dit qu'on vous enseigne cela. Il dit les choses en parabole, les disciples doivent devoir expliquer. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il a été écrit, il ne commet pas point d'adultère. Mais moi, je vous dis, si tu regardes, tu convoites. Parce que la convoitise vient des yeux. Les yeux doivent regarder quelque chose. Donc, si tes seins sont exposés, tu causes problème. La Bible déclare, elle a commis adultère avec lui. Donc, tu marches sans toucher un homme, sans qu'un homme te touche. Tu commets adultère avec elle. Le jour où il va en enfer, tu vas en enfer. Vous comprenez l'importance maintenant? Donc le standard, c'est chez lui, pas chez nous. J'avance. Il dit qu'on doit savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Notez Éphésiens chapitre 4. Merci d'être venu de loin pour entendre ces coups, garçon. D'accord? C'est Dieu qui a donné, il n'y a pas la taille chez Dieu. Notez le verset 17, Éphésiens chapitre 4. Notez d'abord toujours avant de rentrer. Là, tu as noté, Romains chapitre 12, tu n'as pas noté le verset, j'ai dit le verset 1 et 2, tu n'as pas noté. Éphésiens chapitre 4, vous avez noté? Notez le verset 17 à 25. Maintenant, notez aussi le chapitre 5, verset 22, de ces mêmes Éphésiens. Verset 22 à 32. Voilà. Tu vois pourquoi dans la première partie, quand tu as posé la question, j'ai dit que c'est un sujet qui peut nous prendre 4 ou 5 heures. Normalement, même une semaine, ça ne suffirait pas pour cela. Parce qu'il faut aller doucement, construire. Vous avez remarqué que j'ai laissé sanctification derrière. On peut y aller? Oui. Je ne suis pas prêt, ça va pas venir. Souvenez-vous toujours de Luc chapitre 12, verset 41 à 49. Celui qui aura connu la volonté du Père et ne restera pas préparé sera battu d'un grand nombre. Tout en étant dans les livres, vous avancez. Vous serez dans 1 Corinthiens. Avancez seulement après Romains, vous avez lu tout à l'heure. Avancez. Vous allez trouver 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous allez trouver la lettre de l'Éphésiens. On avance. Éphésiens. Qui veut marcher comme Dieu veut? Qui veut marcher selon la volonté? Je crois qu'il faut le dire en langage simple. Qui veut marcher selon la volonté de Dieu? Il y a l'autre là qui dit qu'il ne lève pas encore la main. Bon, tout le monde avait la main de toute façon. Ok. Le chapitre 4, verset 17 commence par je vous. Voici ce que. Voici donc ce que je vous. Dis. Et ce que je vous. Déclare. Oui, il ne fait pas d'amalgame. Il ne discutait pas. Il dit voici ce que je vous déclare. Il dit cela en déclarant. C'est une déclaration, donc c'est une constitution. Ce sont les articles. Comme on dit dans une réunion, article premier, article ceci. Donc on doit suivre cela comme ça. Il dit vous ne devez plus. Soulignez d'abord ce quatre, c'est un groupe de mots. Vous ne devez plus. Vous avez vu ce n'est pas? Vous ne devez plus marcher. Puis il dit marcher comme les païens. Qui marche d'après la vanité de leur pensée. Mais il y a un mot que vous avez omis là-bas. Il a dit, il déclare ça dans le Seigneur. Vous avez remarqué? Voilà. Alors, ça en est le système. Vous dites que vous êtes en Christ, la façon de marcher, la façon de penser. C'est pour ça qu'il a parlé de l'autre côté, là-bas, du renouvellement de l'intelligence. Il y a une transformation, une façon de penser, parce qu'on vit en Christ, qui va mettre une séparation entre le fonctionnement du monde et le fonctionnement. Beaucoup de chrétiens trouvent des pierres d'achoppement ici parce qu'ils croient que ah on est dans la liberté, Christ nous a affranchis. Notez un petit chapitre 2, verset 11 à 13. C'est, oh, c'est pour la liberté. Vous y êtes, oui, non, le verset 1 à 5. Petit chapitre 2, notez petit chapitre 2, verset 11 à 13. Vous y êtes? Petit 2, hein? Oui, notez Galates chapitre 5, verset 13. Galates 2, Galates chapitre 5, pardon. Oui, verset 13 seulement. Verset 13 seulement. Et j'ai dit chapitre 2, verset 11 à 13. Ah, on est sous la grâce. On est sous la grâce. L'apôtre Paul dit, voici ce que je vous dis, ce que je vous déclare. Puis il dit dans le Seigneur. Dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous marchez comme les païens, il dit les païens. Ça suppose que chaque fois que vous devez vous poser la question, est-ce que mon comportement, ma façon de vivre, mon corps est présenté comme les païens? Si c'est comme ça, vous ferez mieux de quitter, vous allez vous tromper. C'est pour ça que je voulais parler de ce thème-ci. Le christianisme moderne face au christianisme biblique. Le christianisme moderne face au christianisme biblique. Dieu va juger les gens ici, il ne dira pas que, ok, votre époque, s'il n'y a pas la voiture. Parce qu'il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si c'est en 2004, vous lisez, ça vous allez voir siècle présent. Si c'est 100 ans plus tôt, vous avez lu siècle présent. Dans 20 ans, vous allez lire quoi? Siècle présent. Donc si les siècles se modifient n'importe comment, vous devez vous adapter à la Bible. Pas la Bible s'adapte au siècle. On avance là. On commence à définir maintenant les pensées, les ténèbres de ces païens-là. Parce qu'il a dit que nous devons marcher comme les païens qui marchent d'après la vanité de leurs pensées. Vanité de leurs pensées. Vanité de leurs pensées. Puis il dit, ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous avez vu ça? Mm-hmm. Vous avez vu cela? Mm-hmm. Ayant perdu tout sentiment. Vous avez vu? Mm-hmm. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur cœur endurci a été plongé quoi? Dans le ténèbre. Regardez bien. Ils ont l'intelligence obscurcie. Les païens ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de leur ignorance. Non. Hein? À cause de leur ignorance. Mm-hmm. C'est ça, c'est l'ignorance. À cause de l'ignorance qui est en eux. Stoppons le roi. Donc les païens ont quoi en eux? L'ignorance. Vous me regardez dans les yeux, vous posez la question. Vous avez entendu parler de Nollywood TV? Ouais. Je regarde ça. Vous avez entendu parler de Novas? Non. Énergie. Oui. Donc, quand tu t'assois pour te délecter de leur inspiration, vous délectez, d'après la Bible, vous délectez de quoi? De l'ignorance. Mais là, quand vous voyez ça, vous avez la science, parce que quand ça finit, vous dites que les bonnes choses ne durent jamais. Ouais. C'est la Bible qui dit. Je sais seulement lire la Bible et dire ce que c'est. Je disais, j'étais accro à la Nouvelle-Asse, mais depuis 6 mois, c'est un truc qui s'est passé. Voilà, on peut avancer. Mm-hmm. Donc, on dit les païens qui tournent ces films-là, ce n'est qu'un cas. Il y a des gens, vous voyez, ils ont Prison Break, toutes les séries. Mm-hmm. Ils connaissent tous les noms dans Prison Break. Ah, mais demande-lui d'ouvrir Sophonie, dit Sophonie. C'est quoi ça, Sophonie? C'est dans la Bible, ça se trouve. Il ne connaît pas. Il dit, donne 2 versets bibliques sans ambiguïté, il ne connaît pas. Mais il connaît Jack Bauer. Il connaît toutes les séries qui peuvent se passer. Il connaît à quel moment la saison 7, ce qui s'est passé à la fin de la saison 6. Je veux que vous remarquez très attentivement que nous pouvons citer Dieu et notre vie n'est pas conforme. Et on continue comme ça avec le traditionnalisme, le christianisme moderne, en se trompant. On n'entrera pas. On peut avancer. On dit que ces païens-là, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc ça dit la vie de Dieu, avec eux, ça ne marche pas. Il dit que c'est à cause de l'ignorance qu'ils sont en eux. Donc ça dit que toute leur inspiration vient de l'ignorance. Tout ce qui peut inspirer de bien, c'est l'ignorance. Puis il va dire, si l'apôtre Paul viendrait ici aujourd'hui, quoi qu'il va taper seulement les gens aujourd'hui, qu'on devait croire. Parce qu'il a dit tout là-dedans. Remarquez comment il a commencé. Voici ce que je vous dis, ce que je déclare dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme les païens. Qui marchent d'après la vanité, qui marchent d'après la vanité de leur pensée. Il pense qu'il va crier, il crée ce qu'il va faire, il avance. C'est pour cela que la moitié d'entre eux, comme ils ont découvert scientifiquement, ils veulent prouver même que Dieu est scientifique. Ils veulent montrer n'importe quoi scientifiquement. En faisant comme ça, ils s'éloignent de Dieu. Dieu n'est pas prouvable scientifiquement. Vous devez croire. Pourquoi ils n'ont pas fabriqué l'être humain pour donner le souffle? Ils essaient de fabriquer alors. On avance là. Oui. Continuons la lecture. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui. Ayant quoi? Ayant perdu tout sentiment. Oui. Ils ne se sont... Non, ils sont. Ils se sont. Ils se sont livrés... À la cupidité, joint à la dissolution. À la dissolution. Ouais. Oui. Pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Donc, ce que les païens font là, tout ce qu'ils font là, c'est pour le matériel. Nous sommes d'accord. Mm-hmm. Vous n'êtes pas d'accord, c'est la Bible qui nous dit de toute façon. Et la preuve, c'est chez vous. On avance. Mm-hmm. Puis il dit, mais vous. Allons-y. Mais vous. Stop. Donc, vous voyez, on parle des païens d'une part, leur façon de vivre, leur façon de se comporter. Je suis allé dire pour ceux qui veulent être chrétiens de la bonne manière, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, je vais dire des choses qui ne vous intéressent pas. Mais je dois dire de la façon dont je vais dire parce qu'ils veulent rendre compte. Mais il dit, mais vous voyez qu'il y a deux groupes, les païens et un groupe qui l'appelle vous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous avez vu cela? Il dit, si du moins. Vous avez vu cela? C'est vrai qu'on peut avoir mal enseigné. On peut t'avoir mal enseigné. Oh, le chrétien, tu es chrétien. Non, tu es de nouveau. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Il ne juge personne. Non. Mais vous regardez la Bible, c'est autre chose. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, la façon que les païens se comportent, la façon dont ils marchent, ce n'est pas comme ça chez Christ. Si du moins vous avez appris. Il dit c'est de lui, et c'est en lui que vous avez été enseigné, que vous avez été instruit à vous dépouiller. Donc, il y a un enseignement en Christ qu'on appelle l'enseignement sur le dépouillement du vieil homme et de ses œuvres. On doit devoir vous enseigner cela. C'est quoi le vieil homme? C'est-à-dire les gens, déjà les choses que tu aimais trop dans le monde. Quand tu viens donc dans Christ, on dit ce n'est plus comme ça, maman. Maman Nyanga, laisse le Nyanga dehors, entre ici. Vous allez moi. Il dit c'est lui qui. Allons dans 2 Timothée. Non, on va finir de lire, ça c'est intéressant. Non, tu vas finir de lire à la maison. On va prendre la Bible ici. 2 Timothée. 2 Timothée. Vous avez noté ça aujourd'hui, verset 19 à 22. Que Dieu notre Père vous bénisse. Souvenez-vous, il m'a envoyé ici pour vous. Lorsque j'aurai terminé vendredi matin, je serai du côté de la France. Quand j'aurai terminé en France, je serai aux Pays-Bas, en Belgique. Après, aux Pays-Bas, je vais retourner en Allemagne pour 2 semaines et je serai rentré dans mon pays. 2 Timothée. Chapitre 2. Verset 20, verset 19 d'abord. Je veux que vous regardiez. Souvenez-vous, nous sommes parlé de la volonté de Dieu. Et j'ai dit. Je crois que c'est pas avec cette femme-là. Vous voyez, aujourd'hui, je vous ai dit, quand vous avez ouvert un Thessalonicien, je vous ai dit que tout à l'heure, Timothée est aux environs. Gardez-vous dans l'esprit que nous allons y revenir. À côté de Timothée. Je crois que chaque fois qu'on allait aller à côté d'un livre, je vais faire tout pour lire ce qui est touche-touche. Timothée, c'est encore. Après quoi? Mais c'est toi qui as dit tout à l'heure, après Timothée, quand même, tu le trouves plus. Vous avez ouvert aujourd'hui un test de solution, nous avons lu, c'était Dieu. Je suis habitué avec nous, c'est avec ça. Là, là il tape seulement, ça coule. Nous avons lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Là où on a vu, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Repérez-vous à partir de là. Où? C'est l'écriture de Paul qu'on a fait. Si vous avez trouvé, on avance. Seigneur, donne-nous des comprendre. Mais savoir à savoir, comment appelle-t-il? Tu es dans quel livre là, maintenant? Tu es dans quel livre? Apocalypse. C'est lui-là, tu vas sortir hors de la Bible sans que je juste avant, type. C'est elle qui a dit ça. Mais je sais que. Ah non, moi je prends. Ah bon, et pourquoi tu étais presque juste avant? Ah, moi j'ai pas mon. Courage à vous. Donc, chaque fois que vous allez chercher dans la Bible sans voir, pensez-y que vous, quand vous connaissez tous les noms de feuilletons, pensez-y, c'est un jugement déjà. On avance. On avance. C'est 2 Timothée. Hein? Oui, chapitre 2. Vous y êtes. Remarquez bien. Quand vous lisez 2 Timothée, il commence à donner des instructions à Timothée. Et verset 1 au verset jusqu'au verset 4, il va dire l'ouvrier. Personne ne peut hériter, ne peut entrer. L'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu selon les règles. Vous comprenez, n'est-ce pas? Puis il dit qu'il n'y a pas de soldat qui, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, s'embarrasse des affaires du monde. Il prend ça pour indiquer aux chrétiens clairement que si vous êtes chrétien, vous ne devez pas chercher à plaire au monde. Vous devez chercher à plaire à celui qui vous a appelé. Je veux que vous gardiez en esprit que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 6 que nous avons lu que la volonté du Père, c'est qu'il ne perde point tout ce qu'il a donné, mais qu'il est ressuscité au dernier jour. Et j'ai dit, la conséquence, c'est que ce don-là qu'il a ressuscité, qu'il a sauvé, ont un rôle à faire dans le plan de Dieu. Ils ont leur part de volonté. C'est pour ça qu'il a envoyé les apôtres d'aller enseigner à ses disciples à observer tout ce qu'il a prescrit. Souvenez-vous. Donc, ici, toi, mon enfant, combat le bon combat. Il raconte les choses à Timothée. Mais au verset 19 maintenant, il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu, reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Première parole. Vous avez, il y a une première parole. Il y en a deux paroles là-bas. Allons-y. Première parole. Le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Vous avez, vu. Non, attends, c'est deux paroles. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Donc si vous êtes du Seigneur, il vous connaît. Jésus l'avait dit qu'elle était sur la terre. Il a dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc, vous connaissez la volonté de Dieu, vous y marchez, vous allez suivre exactement ce que Dieu a dit. Si vous ne suivez pas sa volonté, vous ne voulez pas marcher selon sa volonté, il ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas. Parce qu'il a dit, c'est bien, ne suivez pas un autre. Parce qu'on ne peut pas présenter une volonté ici, qui est la volonté du monde, et la volonté de Dieu, vous suivez le monde en disant que vous êtes chez Dieu. Vous vous trompez. On avance là toujours. Il dit cette parole sur le sel de sceau. Il dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc, dans le sceau, ça veut dire que c'est scellé. Les deux jours aussi, c'est le solide fondement de Dieu. Donc, tournez sur la terre comme vous voulez, il connaît ceux qui sont de son côté. Puis il dit, deuxième parole, quiconque prononce le nom du Seigneur, les conséquences c'est qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous avez vu ça, hein? Donc, pour prouver que tu aimes le Seigneur, que tu marches avec lui, tu dois... Parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, haïr le mal. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de sa vie. C'est là où tu commences. Et haïr le mal qu'il a de dire, c'est s'éloigner du péché, de l'iniquité. Donc, quelqu'un qui vit dans l'iniquité, la Bible déclare que si quelqu'un dit, je l'ai connu, et qu'il demeure dans les ténèbres, il ne l'a point connu. La vérité n'est point en lui, c'est un menteur. Donc, vous devez vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Vous êtes dans un pays ou bien dans un continent où il y a de la fraude. Vous devez vivre droit. Les gens volent les impôts. Ils font toujours des fraudes. D'autres prennent les papiers, donnent à d'autres qui travaillent, on leur donne de l'argent. Dieu vous voit. Que personne ne se livre dans les fraudes, les cupidités dans les affaires. Parce que Dieu t'y venge de toutes ces choses, comme nous nous avons dit. Et si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Il avance. Verset 20, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des âges. Aussi des bois. Des bois. Et des terres. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Il dit, les uns sont des vases d'honneur, n'est-ce pas? Et les autres sont pour les vases à l'usage vil. Donc, si vous voulez vous décider. Puis il dit, si quelqu'un s'abstient de ces choses, je crois qu'il citait beaucoup de ces choses, je lui dis, il sera un vase. Prêt à être utilisé par qui? Par Dieu. Par le maître, n'est-ce pas? Amen. Puis, verset. Nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Le verset 22 commence par. Le premier mot, c'est quoi? Fuis. Donc, si vous écoutez ça, vous ne fuyez pas. Vous avez des problèmes avec Dieu. Parce que vous venez comprendre sa volonté, que vous devez fuir. Allons-y encore. 1, 2, 3. Le premier mot, c'est quoi? Fuis. Vous remarquez, c'est un impératif, n'est-ce pas? Fuis. Puis, dit, c'est qu'on doit fuir. Quoi? Les passions de la chair. Il ne dit pas seulement qu'on fuit, on reste tranquille, non. Vous avez deux rôles à faire. Vous devez fuir d'une part et faire une recherche d'autre part. D'accord? Donc, fuir les passions de la jeunesse. Et recherche quoi? 1, 2, 3, avec qui? Donc, il y a ceux sur la terre qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et ceux qui ne l'invoquent pas. Amen. On peut avancer. Je vous ai donné aujourd'hui Ephésiens chapitre 5. Vous savez ce qui s'y trouve. Oh Seigneur, merci. Dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Non, je vais citer. On va passer, on va avancer. Restez dans cette Timothée-ci. D'accord? Parce que vous êtes proche, je vais vous donner les livres qui sont proches. Je vais citer ce qu'il dit dans Ephésiens. Dans Ephésiens chapitre 5, le verset 22, je vous ai donné le verset 22 jusqu'au verset 32. On parle des maris, femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, en toutes choses. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. On dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et c'est lui-même livré pour elle. C'est ainsi que le mari aussi doit aimer sa femme. D'accord? Puis on dit, comme Christ a aimé l'église, qu'elle a donné sa vie pour elle-même, après l'avoir purifiée par l'ordre de la parole, afin de lui présenter cette église. Écoutez bien ce que dit. Cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc l'église de Dieu doit être sans tache, ni rien de semblable. Donc si vous voulez philosopher sur la terre, dites que ce n'est pas important, mais le standard, ce n'est pas nous, c'est lui. À chaque fois, mais il dit, mais saint et irrépréhensible. C'est ce que le verset 29 dit, dans Ephésiens chapitre 5. Mais cette église doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Donc s'il y a quelque chose que le verset biblique t'arrête, oublie, tu n'entreras pas. Ne restez pas sur la terre, vous dites que oh, j'ai donné ma vie à Jésus. Si Jésus vient, vous avez parti. Vous devez respecter les clauses pour partir. Les clauses pour partir, c'est la sanctification en premier lieu. Et la sanctification a plusieurs navettes et plusieurs volets. Vous savez, moi, si c'est votre cœur, enfin, il a dit ça dans les évangiles, dans Marc chapitre 9, si votre aide est pour vous une occasion de chute, enlève. Si c'est ta main, enlève. Nous sommes d'accord. Oh, le gars là, il m'a fait pleurer. C'est mieux de pleurer que tu pleures, c'est que tu vas pleurer en enfer. Donc pleure ici là, tu laisses. Les cris de l'enfer ne seront pas agréables parce qu'il n'y aura pas d'atténuement. Donc mieux ici, si, il dit que si n'importe quoi, il y a un obstacle. Non, le gars est trop souffert à cause de lui, je l'aime trop. Dis à Dieu d'enlever. Si quelqu'un est un obstacle, enlever. Parce que c'est seul à ceux qu'on se présentera devant le jugement. Dans Romains 14, verset 12, il dit qu'ils nous font tous, il a dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le compte rendu sera demandé à chacun de nous sur la terre. Il dit qu'il nous faut tous comparer devant Dieu afin que chacun rende compte de tout ce qu'il aura fait étant dans son corps. Donc Dieu va dire, ok, tiens la terre, oui. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Il avait accouché des enfants. Il t'a envoyé sur la terre pour faire accoucher des enfants. Si c'est accoucher des enfants, les poules ont accouché aussi. Donc tu as fait la même chose que les poules. Et tu penses que comme tu es entré dans les poules, aussi rentrer au paradis. Parce que tu as accouché des enfants. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Nous sommes d'accord. Et là, nous sommes en train d'expliciter la volonté de Dieu. On peut avancer. Le livre qui est ouvert au-devant de vous, c'est 2 Timothée, n'est-ce pas? Ouvrez tous le livre qui vient après. Vous y êtes? Je vous ai donné ça aujourd'hui. Je vous ai donné ça aujourd'hui, verset 11, verset 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Écoutez très attentivement. On dit que la grâce de Dieu, Dieu est la source de salut pour tous les hommes. On dit qu'elle a été manifestée. Donc elle a été révélée. Elle s'est présentée. Puis on dit, elle nous enseigne à renoncer. Je veux que vous entourez renoncer. Donc la grâce a un style d'enseignement. Lis dans la version courante, allons-y. Lui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Oui. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais. Vous entendez ça, hein? Et les désirs de ce monde ainsi. Ainsi qu'on sait. Ainsi. Alors, on dit, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui a été manifestée, doit nous donner un enseignement qu'on doit rejeter ce qui est mauvais. De ce monde, si on ne dit pas, il ne faut pas que tu comprennes que non, j'essaie de discerner le bien et le mal. Discerner n'est pas le problème. Parce qu'on a dit, il faut avouer et délaisser. C'est ce qu'on a dit dans Proverbe 29, verset 13, 28, verset 13 aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, dit la Bible. Alors ici, il dit, car la source de la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondial. N'est-ce pas? Donc quand il dit, non, nous sommes sous la grâce, il ne sait même pas ce qu'il nous dit. Ça veut dire qu'il est en danger. Être sous la grâce, ça veut dire que vous êtes en danger des fois. Vous êtes à la limite du jugement. Parce qu'on ne peut pas fouler au fils de Dieu et outrager l'esprit de grâce. Donc la grâce est plus rigide que la loi. Parce que sous la loi, il fallait qu'on te voie à un hôtel. Deux personnes voient et témoignent que tu as commis l'adultère. Et là, on pourrait t'amener chez l'homme selon Deutéronome 22. T'es la fille. Jésus dit que personne n'a besoin d'être là. Tu regardes, tu dis, mère, mon goût. Vous deux, vous avez commis l'adultère. C'est Jésus qui dit, si vous voulez, vous déchirez la Bible. C'est lui qui dit. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 28 et 29. Nous sommes d'accord. Je veux que tu regardes quelqu'un qui est dans les yeux à ton voisin. Regarde bien. Tu demandes par ton habillement combien d'adultères tu commis aujourd'hui seulement. Ah non, moi je ne sais pas. Dis d'abord seulement. Par ton habillement, combien d'adultères as-tu commis aujourd'hui seulement aujourd'hui? Non, ne répondez pas, hein, ne répondez pas. C'est seulement à dire. C'est une prise de conscience, une information. C'est la Bible. J'avance tout simplement. J'ai comme impression qu'on ne vous dise pas la vérité. J'ai comme impression que vous aimez aller là, on va vous prêcher, que tu vas bénir, Dieu va te bénir. Ton onction va venir. Il y a l'onction de possibilité sur toi. Donc, vous allez voir dans quelques semaines comment Dieu va faire. Je ne fais pas de telles choses, je ne fais pas le satanisme. Dieu m'a envoyé pour prêcher, pour que les gens soient prêts pour entrer chez lui. Et voilà la prédication qui fait entrer. La source du salut a été manifestée. Grâce est la source du salut pour tous les hommes. La grâce est la source du salut pour tous les hommes. Mais cette grâce-là, on dit là-bas dans ce verset que la grâce a son style d'enseignement. Le style d'enseignement de la grâce, c'est que, un, vous devez renoncer, rejeter, repousser. C'est cela dit, fuis de l'autre côté. Fuis les passions de la jeunesse. Si tu es sous la grâce, fuis. Fuis les passions de la jeunesse. Tout ce qui est passion. Des chrétiens aujourd'hui, il y a même une chrétienne qui est venue au Cameroun pour me dire, frère, je suis venu avec l'argent, je voulais construire la boîte de nuit pour chrétiens. Je dis pardon. Donc, tu n'as pas d'inspiration. Tu as travaillé les héros là-bas en France, tu viens au Cameroun pour dire, boîte de nuit chrétien. Donc, comme les chrétiens vont, les Noirs vont en boîte de nuit, vous voyez quelle inspiration on peut avoir aujourd'hui. on peut appeler ça l'intelligence exclusive. Vous entendez quand Dieu, seulement le Seigneur Jésus dit à Satan, à Pierre, arrête de moi Satan. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Mm-hmm. Vous entendez ça? Donc, elle a pris l'avion. Elle a dit, Seigneur, garde-moi. Le Seigneur l'a gardé. Elle a fini la terre du Cameroun. Elle finit, elle vient chez moi. Elle dit, je vais construire la boîte de nuit pour chrétiens. C'est que j'ai d'inspiration, ça. Oui, n'est-ce pas? Elle nous enseigne la grâce à renoncer. Donc, si quelqu'un est sous la grâce, il doit savoir que, oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le fait que Dieu m'a pardonné? Il y a des gens à côté de vous que vous prêchez l'évangile comme ça, clair. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Pas vrai? C'est vrai. Dans ces cas, comment, quel effort avez-vous fait pour croire? On dit de saluer et donner par la grâce. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et donc, le don de Dieu est descendu jusqu'à vous. Quand quelqu'un rejette Jésus-Christ au devant de vous, ça veut dire que sa fin, c'est l'enfer, même s'il est bon n'importe comment, n'est-ce pas? Alors, vous avez fait le premier pas de l'accepter. Si vous l'avez accepté, on dit que maintenant que vous l'avez accepté, vous ne pouvez plus vous conduire comme celui-là qui n'a pas accepté. C'est aussi évident que possible. Comment tu vas dire, je l'ai accepté et ta vie ne prouve pas? La Bible déclare, à cause de vous, à cause de ce style de comportement, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Voilà, tu vois, tel pasteur, regarde un pasteur, il se conduit. La Bible déclare que le pasteur soit doux, considéré, on va aller gifler une fidèle. Chrétien, en présentant la foule, on se rit de tous les chrétiens. Un pasteur qui gifle le fidèle. Un pasteur, on a vu à l'hôtel avec une femme, elle est sortie, quand on a filmé, on présente, le nom de Dieu est blasphémé à cause de nos actions. On ne doit pas être ainsi. Christ ne veut pas de scandale comme ça. C'est pas sûr, c'est si. Il faut que ça change, c'est pas vrai? N'est-ce pas, mes soeurs et frères? Il faut que ça change. Il faut que ça change, ça veut même dire, on ne dit pas qu'il faut que vous changez. Il faut que chacun change. Parce que si un chrétien change, deux chrétiens, trois changent, quatre changent, on aura une assemblée changée. Qui vive la sanctification, la sainteté dans la voie de Dieu. Il faut qu'on voie une nette différence entre nous et nos non-croyants. Si ce n'est pas comme ça, vous, quand l'enlèvement viendra, vous ne serez même pas au courant que c'est passé. Vous devez vous préparer. Parce que je suis sous le ciel, en train de se préparer pour nous sur la terre. Ces jours-là, quand cette tonnerre va frapper, boum, et que les nuées vont venir prendre des gens qui sont prêts sur la terre à aller, vous allez pleurer n'importe comment, Christ ne viendra pas parce qu'il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas de remix. Ça ne se trouve pas. Un seul, en un clin d'œil, les gens vont disparaître. Vous devez vous préparer. D'Apocalypse chapitre 19, verset 6, il dit que les noces de l'agneau, réjouissez vos cieux et la terre, parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse, l'église. S'est préparée, préparée. Quand vous voulez vous marier, vous faites des préparatifs. Les chrétiens sont sur la terre que non, Dieu va comprendre. Il va comprendre. Il dit son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir des fins l'un pur et qu'attend pur. Puis il dit les fins l'un et qu'attend pur sont les œuvres justes des saints. Alors maintenant, là, on dit, elle s'est préparée donc. Maintenant, elle peut entrer. La question, c'est si Dieu te pose la question, quelles sont les œuvres justes que tu as fait? Des saints. Des saints. Tu as fait quoi? Il va donner l'offrande à ton pasteur. Donc, c'est ça les œuvres justes des saints. Vous entendez? Donc, il faut qu'on réfléchisse selon la Bible. Parce que quand Dieu va faire que chacun monte, il n'y aura pas que. La citation, il ne pose pas de questions. On dit, c'est en un clin d'œil. Celui qui sera préparé va partir. En un clin d'œil. Mais qu'en est-il des ignorants? Il n'y a pas d'ignorants qui entrent là-bas dedans. La voix sainte qu'il a dit, il a dit que même les ignorants peuvent y marcher sans se perdre. C'est ce qu'il dit dans la Bible, dans le livre du prophète Esaïe. Il dit qu'il y aura une voix appelée la voix sainte. Il a dit, nul impuni entrera. Même les ignorants pourront y marcher. Mais là, vous n'êtes plus ignorant, parce que l'ignorant, ça veut dire que je ne savais pas. Mais maintenant, je vais lui présenter la volonté. Et il a dit, si tu connais la volonté, tu ne marches pas, tu n'as pas fini. Pardon, dans Jacques, chapitre 1. Jacques. C'est plus sérieux que ce que nous pensons. On avance. Que Dieu vous bénisse encore. Je suis votre serviteur, d'accord? Je suis là pour vous servir. On est bien servi. Toi, tu as trouvé Galate, ne t'éloigne pas, ne t'éloigne pas, d'accord? Tu as trouvé Galate, ne t'éloigne pas. Avance comme ça, Jacques est là devant. Nous avons lu aujourd'hui, après Hébreu. Jacques au chapitre 1. Je recommence encore. Que Dieu honore déjà votre foi d'avoir quitté la France pour venir jusqu'à Genève pour écouter la parole du Seigneur. Jacques 4. Jean chapitre 1. Est-ce qu'on avait écrit ça? Le 4, on a lu déjà. Il avait dit ne vous éloignez pas parce qu'on va y revenir encore. C'est ce qu'il avait dit aujourd'hui. Alors, je vous pose maintenant de façon honnête. De façon honnête, n'est-ce pas? À la lumière de ce qu'on en est de lire. Nous sommes d'accord que ceux qui ont écrit la Bible ici et qui ont vécu, les premières personnes qui ont vécu cette Bible, ont vécu ce qu'ils ont on a écrit là, non? Alors, à la lumière de cela. Comparé à notre christianisme d'aujourd'hui, n'est-ce pas, le jour et la nuit? Alors nous qui écoutons ceci, nous devons faire la différence. Christianisme moderne face à christianisme, au christianisme biblique. Si vous êtes dans Jacques chapitre 1, je vous donne les versets. On peut lire le verset 20 à 22. Jacques 4. Pas 4. Je ne sais pas ce qu'elle a vu dans 4. C'est 4 ici. Comment moi? Nous allons aller au pays des merveilles ensemble, n'est-ce pas, ma soeur Alice? Jacques 1, verset. Verset 20. 20 à 22. Vous y êtes. Allons-y. Dis mon frère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et qui peut? Et qui peut sauver vos âmes. Vous avez entendu? Oui. Continuons. Mettez en pratique la parole. Stop. Vous avez entendu ce qu'on a dit? Puis il dit, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dieu va comprendre. Tu pars au milieu de l'éducation. Moi, s'il peut aller en enfer, vraiment, je suis beau. Eh, Seigneur, il n'y a plus belle créature là-bas. Personne n'était beau ici que Satan, pas vrai? Ah oui. Personne n'était beau. La Bible déclare que c'est le plus beau de toutes les créatures, pas vrai? Il se retrouvait quand même dans la gêne. Donc, tu n'es pas assez beau ni belle pour se retrouver dans le feu. De toute façon, le feu de cuisine est bleu, ça fait mal, pas vrai? Donc, ça veut dire que ça va consumer. Alors, il dit ici, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que si vous amenez le standard vers vous en raisonnant sur la parole, sur la base de l'écriture, mais Dieu va quand même comprendre que j'ai fait 99%. Il y a des pasteurs là-dedans sur lesquels c'est grave. Même eux, ils ne respectent pas la parole. Dieu va les juger selon ce qu'ils ont fait. Et toi également, tu vas entrer de la même façon. Donc, il faut qu'on arrive au standard de Dieu. Il faut qu'il dise, Seigneur, aide-moi à marcher d'après ta parole. Si d'autres tombent hors de ta parole, moi, je désire faire ta volonté. Tu es d'accord avec moi? Oui. Continuons la lecture. Alors, c'est 23. Oui. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. 24. Oui. Et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. Stoppons là-bas. Je veux vous souligner, plonger le regard. Donc vous voyez, à la place des livrets et des extraits de prières, les prières de feu et de combats stratégiques, des minuit pour déloger nos anciens emmerdeurs. À cette place-là, la Bible tronque par plonger le regard. Ce mot plonger le regard veut dire en clair méditer. Vous voyez cela? Il dit, mais celui qui aura... Donc, il y a ici deux groupes de personnes. Quelqu'un qui a écouté la parole, il dit, oh, dérange. Et l'autre qui dit, non, il faut qu'il prenne plus attention. Désormais, je ne lis plus la Bible pour aller dire, les ténèbres m'ont béni, ne manquerait de rien. Il me fait manger un bon saturage. Quand il passe à manger, là, il est bon. La Bible est annulée. Après un de ces jours, quand il y a un problème comme ça, que le Seigneur parle, tombeau, boss, calamba, tcha. Et puis tu vois là-bas, le pantoufle, tu fais comme ça, tu fais. Ça ne marche pas comme ça. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup même avant, les gens qui pensent que moi, j'ai fait ça. Si vous voulez jouer au loto, allez au PMU. Ici, c'est pas comme ça. C'est au PMU qu'on joue les tirs, c'est pas vrai. Mais ici, dit celui qui aura plongé le regard. Il n'appelle pas n'importe quoi par la suite. Après le regard, il dit dans la loi, quoi. Parfait, c'est ce qu'il dit là-bas. Mais celui qu'on a plongé, c'est ce qui nous donne la vie. Ce qui nous oriente, c'est ce que nous négligeons. Remarquez-vous bien que tout à l'heure, j'ai dit, Nova, vous pouvez connaître des acteurs de Nova, de telle ou telle série. Mais là, connaître un verset, puis c'est un problème. Et la Bible déclare que si vous gardez cette parole, si vous serez dans votre âme, il fera la vie. C'est la joie dans votre âme et c'est la santé pour vos os. C'est ce que la Bible déclare. Il dit que si vous prenez cette Bible aussi, vous la prenez pour appui. Quand tu seras couché, tu ne craindras aucun terrain de l'ennemi. Quand tu vas coucher, le terrain sera ton assurance. Quand tu vas marcher, ton pied ne retirera pas. Ne crains pas une attaque soudaine. Proverbe chapitre 3, verset 21. La Bible dit que c'est sa parole, en prenant la parole. Mais maintenant, quelqu'un dit, ok, que mille tombent à mon côté et dit, mais à ma droite, je ne serai pas atteint. Colle tout ça sur ton lit. Ils vont te gifler la nuit. Quand tu mets ta tête comme ça, tu te couvres comme ça, là, tu dors avec. Il prend ça, il dépose, il te gifle la nuit. La preuve, vous récitez ça, vous dormez, les porcs vous poursuivent, pas vrai? Même les chiens et les chats. Alors on a un problème. Ça suppose donc que ce n'est pas ça, le livre qui est écrit là-bas, qui est le problème. Il faut que ça quitte ici. entre dans le cœur. Parce qu'il a dit, mais recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quand la parole habite en vous, Colossiens 1 dit Christ en vous, parce que Christ et la parole sont un. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, vous allez tronquer maintenant la vraie croyance. Face à ce qu'on vous a présenté, les prédicateurs vous présentent en France, je suis en haut, je suis le roi, je suis le prince, je ne serai jamais en bas. Je ne serai jamais en bas. Fini d'ouvrir les yeux, tu vas voir la réalité. Donc la confession de la foi est diabolique. Vous devez plonger les regards dans la loi parfaite. Puis dit, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Allons-y, mon frère. Et qui, après d'être regardé... Non, tu es remonté, mais c'est 25 maintenant. 25 ans. Oui. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté... Stop. La loi parfaite, virgule, la loi de la liberté. Vous voyez? Donc, vous connaissez la vérité. La vérité vous a franchi là. Si vous saviez ce qui est écrit dans la Bible pour vous, vous ne courriez pas derrière le pasteur pour aller donner l'argent pour qu'on vous donne l'huile. Vous allez boire l'huile, ça va vous purger, ça ne fera rien. Donc, il dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, virgule, la loi de la liberté... Et qui aura persévéré. Persévéré, vous avez vu? Persévéré. Aujourd'hui, c'est le fast-food. On met un micro, on s'assoit parce qu'on ne veut pas allumer la lumière. Parce que Dieu avait enseigné la persévérance avec cela. On fait ça, pouf, ça sort là. Pendant que tu fais quelque chose, cling, cling, tu enlèves là-bas. On nous envoie des rayons ultraviolets là-dedans. Après, tu manges. Un des séjours dit que ton poumon gauche en train de développer le cancer. Pourquoi? L'empressement. Tout dans la nature enseigne la persévérance. Vous mettez le maïs là-bas dans la nature là-bas, le maïs naturel. Vous mettez là-bas, vous devez attendre le mois, le nombre de temps que Dieu avait prédestiné pour le maïs. Vous mettez du haricot. Mais aujourd'hui, on a dit non, non, non, il faut que chaque jour le maïs pousse. Ça pousse, vous le voyez là. C'est bien brillant. Mais eux-mêmes, les scientifiques disent que ça, c'est dangereux. Parce que ce n'est pas naturel. Tout ce qui est contre nature amène à une rétribution de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez ici. Il dit étant persévérant, continuons. N'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à. À l'œuvre. Comment celui-là? Celui-là sera heureux dans son activité. Vous avez entendu ça? C'est Dieu qui parle. Il y a deux choses. Oui, vous allez vous que le pasteur met la main sur vous. Il vous vend de l'huile à 200 euros. Vous semez 300 euros. Et puis vous donnez les dîmes pour les prédications. Vous achetez les livres. Et par lui, il dit qu'il va prendre votre problème, aller résoudre aux montagnes. Soit vous voulez faire comme ça, vous faites des chimères là. Hein? Mais vous faites ce que la Bible déclare. Vous lisez la loi de la liberté. Amen. Amen. On avance. Ouvrez le livre qui touche avant Jacques. Ça se trouve dans Hébreux, au chapitre 12. Les Hébreux. Livre des Hébreux. Christianisme moderne face au christianisme biblique. Première partie. Nous allons développer. C'est la deuxième partie n'est pas ici. On va continuer ça en France. On sera à Paris, bien à Amsterdam. Hébreux, chapitre 12. On y va. Oui. Notez également le chapitre 3, versets 1 à 4. Mm-hmm. Et vous avez dit, c'est plein dans la Bible. Je ne sais pas comment on va aller dans quelques jours. Vous voyez, ça ne fait que venir, n'est-ce pas? Depuis moi, je n'ai pas encore pris ma Bible. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Allons-y, verset 14, Hébreux 12. Seulement 14? Oui, seulement. Recherchez la paix, c'est ça? C'est un impératif, ce n'est pas un impératif. C'est... Recherchez la paix avec ceux qui sont en paix avec vous, c'est ce qui est écrit. Oui, oui. Recherchez la paix avec tous. Oui. Recherchez la paix avec tous. Remarquez bien. Ça veut dire que si vous êtes ici, vous êtes en guerre avec quelqu'un, vous avez des problèmes. Dieu vous donne l'ordre de rechercher la paix. D'accord? Mm-hmm. Ce n'est pas seulement la paix qui est de là-bas. Puis il dit quoi? La sanctification. Vous avez encore vu le mot, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est le fameux mot que nous avons laissé depuis. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si vous n'êtes pas en paix avec quelqu'un, oubliez Dieu. C'est ce qui est écrit. Dans le notre paix, il pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans ce Matthieu chapitre 6, il dit, si vous ne pardonnez pas vos offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc si tu as dit à quelqu'un que non, pour celui-là, il est mort enterré. Vous êtes enterrés ensemble. Vous devez le déterrer dès maintenant. Vous avez demandé la volonté de Dieu. Vous devez déterrer toute personne et relâcher toute personne parce que votre vie est liée à celle des autres. Il n'y a pas de relation verticale avec Dieu sans au préalable la relation horizontale. Je vais partir, je reviens demain. Amen. La verticale s'établit parce qu'il y a le commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Vous voyez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne veut pas aimer quelqu'un disant que non, non, non, non. Et souvenez-vous, si vous gardez quelqu'un sur le cœur, la Bible, le Nouveau Testament dit que vous allez meurtrier. Donc vous avez le sang sur la main. Tu sais ce qu'il m'a fait. Je te dis que si quelqu'un vous a fait n'importe quoi, soit 17 fois, vous devez lui pardonner. C'est ce qu'il écrit. Donc, la Bible déclare que celui qui est son frère est un meurtrier. C'est la Bible qui dit. Donc, si vous avez gardé quelqu'un sur le cœur en disant que pour lui, pour moi, il est mort à l'intérêt, sachez que vous allez aller ensemble là-bas. C'est ce qu'il écrit là-bas. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle il n'y verra le Seigneur. Vous voulez voir le Seigneur, hein? Frères et sœurs, c'est la Bible là-dedans. Ou bien je laisse d'abord la première partie, vous pouvez vous souffler un peu, puis je reviens. Moi, je suis là depuis 13 ans. Ah ouais. Hyper avancé. Je mets d'abord la Bible. Tu peux venir demain avec elle. On prend une pause, je vous sers de l'eau. Je ne peux pas rentrer tout le temps quand il dort. Moi, je suis dans un masque, je suis avec l'enfant, donc... Tu es venu en bus. Tu veux les laisser à qui? Non, c'est bon. Non, moi, j'ai déjà le coca. Chacun fuit dans la barrière, il y a quand même l'eau. Non, moi, je bois le bois. J'ai vu. Ah, merci. Tu vas en chaud. Non, non, c'est. Ça va? Comme je suis chez mon frère, hier je suis rentré tard, j'ai trouvé qu'il dormait déjà. Je n'ai dit qu'à son cas, je suis sorti, je n'ai plus personne. Dans ce que vous voulez, vous me posez une question, sentez-vous relax. Donc, fermez d'abord les Bibles. Là, vous avez noté les versets sur la volonté de Dieu. Père, je suis pur. Je suis pur. Et tout ce que tu avais dit, j'ai dit. Amen. On peut prier donc maintenant. Il faut couper ceci avant de commenter. Je prie seulement que le Saint-Esprit vous aide à marcher dans tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Et que ça reste dans votre cœur, d'accord? Seigneur, tu es Dieu et tu connaissais le besoin de ce peuple-ci. Tu les as dépêchés au Dieu de gloire de la France jusqu'ici à Genève pour écouter de toi. Je prie au Dieu que tu leur donnes de garder ces paroles-là comme le remède pour leur vie maintenant. Je prie au Dieu de gloire là où les genoux de chacun ici-là fléchissaient. Je prie que tu les raffermis. Je prie que rentrant à la maison, Seigneur, que chacune prenne les bonnes décisions pour te servir. Que le réveil, Seigneur Dieu de gloire, produit dans leur cœur l'esprit de sainteté, l'esprit de droiture, de justice. Qu'elle fuit effectivement, au Dieu de gloire, ce monde perverti, ce monde corrompu, Père de gloire, pour te rechercher dans le sentier de la sanctification. Donne-leur, au Dieu de gloire, de comprendre que la vie en Christ ne s'agit pas de rassemblement, mais d'une relation étroite avec toi. Et c'est toi qui fixes les règles. Je prie donc, Père, que tu leur donnes de comprendre que ta parole est la dernière autorité. Et que ce n'est pas ta parole que tu vas juger. Et rejeter cette parole, c'est ta volonté à toi, c'est rejeter également la vie éternelle que tu nous as accordée en Jésus-Christ notre Seigneur. Je prie au Dieu de gloire de leur donner, de ne pas mépriser la grâce et l'esprit de grâce que tu nous as accordé en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais de vivre dans ce monde sans tache ni ride. De vivre au milieu de ces générations corrompues, Père de gloire, transformées. J'ai prié au Dieu de gloire que l'influence du monde qu'elles avaient dans leur cœur puisse les quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que l'amour de Christ s'établisse dans leur âme. Seigneur, donne-leur de t'aimer de tout leur cœur, de toutes les forces, de toutes les pensées, de toute leur âme. Et aimer leurs semblables. Pour celles-ci, au Dieu de gloire qui se présente devant moi, qui avait au Dieu de gloire des disputes avec les beaux-parents et aussi son mari, j'ai prié, Père de gloire, que tu lui accordes de pardonner au nom de Jésus. Malgré tout ce qu'on lui a fait, malgré au Dieu de gloire le mépris, le rejet, malgré, ô Dieu de gloire, les bassements, Père, je prie que tu leur accordes de pardonner. Car tu as dit, si quelqu'un ne pardonne pas, toi, tu ne pardonneras pas. Accorde-leur la repentance, Père, et le jour où tu viendras dans ton règne, souviens-toi, Père, qu'ici a été prêché de la parole de la sainteté pour les réunir dans ta réunion. Je prie, Père, que tu marques de ton sceau toutes ces personnes-ci qui ont aimé ta parole et sont venues t'écouter aujourd'hui. Non pas moi, mais véritablement toi. Car tu as dit que j'enseigne ces choses pour que tu habites dans leur cœur. Elles sont entre tes mains maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut faire des commentaires maintenant. Moi, je peux venir demain. Demain, je suis avec vous. Je sors ici vendredi. Je ne suis pas venu en tourisme en Europe. Je suis venu pour ceci. Non, mais il faut que je vienne tôt. Pour que... Vous venez même ça à 4 heures. Je suis venu là pour en ça. Cause. Pas de problème. Je suis à votre service. Le temps, on n'a pas encore fini. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Okay. aussi. Non, je ne m'appelle pas Pasteur. Ah, bon, je suis frère junior. Frère quoi? Frère junior. Je suis le frère de junior. Frère junior. C'est la première fois. Quand vous allez aller dans Bamba Iba, vous allez voir les enseignements là-bas, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Okay. Je ne sais pas s'il y a ça. Je sais. Mon frère junior, oui, la soeur, moi, quand moi j'aimerais bien poser des questions. Oui. Je suis. Non, bon, ça a dit, il n'y a pas de problème. Ici, au monde actuel que nous vivons ici, oui. Alors, oui. On s'habille par saison. Oui. Moi, personnellement, quand je pars très tôt, courir après mon bus à 6h du matin, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je m'habille confortablement et puis que je me sente à l'aise dans mes habits. Donc maintenant, si c'est collé ou bien j'ai le carreau, c'est si que ça, quelqu'un me trouve bien là-dedans, pourquoi je fais l'adulte? On a dit quoi, adulte? Oui. Ouvre d'abord. En quoi ça te concerne? Ouvre d'abord. Même si je suis en caracque, vraiment, que je suis bien fou. Non, mais c'est autre chose. Ouvre d'abord Matthieu 5. Matthieu 5. Oui, ma soeur. Merci. Que la grâce et la paix de notre Seigneur t'accompagnent. Vous accompagnent. Merci, ma soeur. Elle a dormi, hein. Il faut qu'elle cherche. Elle n'a pas fini son vision. Yes. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 29. On y va. Mm-hmm. Lisons alors. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter dans les airs et sur l'eau a déjà commis un adultère avec elle dans son corps. Il a regardé quoi? Il a regardé une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son corps. Donc, je veux que tu entoures le mot avec. Avec, ça veut dire quoi, ma chérie, là-bas? Vous deux. Oui. Donc, tu passes la route. Quelqu'un regarde. Merde. C'est emballé comme le saucisson. Jésus dit que toi qui es emballé comme le saucisson. Et celui qui a dit que tu es emballé comme le saucisson, même si vous ne vous êtes pas vu, regarde comme je suis à la fenêtre. J'ai pas. Il y a des gens en dehors qui ne savent même pas que sont de les regarder. Ouais. Donc, peut rester ici derrière les vidéos, comme un adultère. La personne qui est là-bas qui ne sait même pas que sont de les regarder, comme un adultère avec moi. Pourquoi? Le vrai problème, c'est que, regarde bien, on dit que cet homme regarde une femme. Ouais. La question que je vais poser, c'est que, qu'est-ce que cette femme-ci a fait pour pousser cet homme à l'adultère? C'est là que je dis que, admettons. Parce que je sais que, par exemple, au pays, oui. Il n'y a rien de plus beau qu'un tissu, un beau tissu. D'abord, il faut qu'on s'arrange. Mm-hmm. Nous sommes d'accord que le Seigneur Jésus-Christ en est parlé aux gens qui sont le Moyen-Orient d'abord. Oui, là, lorsqu'il parle physiquement. J'ai pris ici qu'on s'habille par saison. Oui. J'ai commencé par rien. Oui. Donc, ça veut dire que la façon que je serai habillée en hiver n'aura rien à voir avec la façon que je serai habillée en été. Oui. Donc, maintenant, je vais prendre même ici. Oui. J'ai fait pour mon beau kaba. Oui. Je mets mon foulard, je l'attache et tout ça. Oui. Je suis bien couvert, on ne voit pas mes formes, machin. Oui. Et qu'on me trouve quand même mignonne dans mon kaba là. Que moi, je ne suis même pas au courant. Vous savez, quand je passe partout, je suis les mêmes préoccupations. Je veux poser la question autrement. Je veux que tu me dises et que tu le remarques autrement. Mm-hmm. Est-ce qu'un aveugle peut convoiter? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Parce qu'il ne voit pas. Vous avez déjà remarqué que les musulmans en Orient qui se couvrent l'Est. Est-ce que quelqu'un peut les regarder, les convoiter? La burqa. Oui, pourquoi? Je dis, je prends les musulmans, je dis les musulmans, ouais. Qu'ils jettent le voile sur eux. C'est quoi là? Tant je quitte. Je dis les musulmans qui portent la burqa et qui se couvrent vêtements. Mm-hmm. Est-ce qu'en la regardant comme ça, ça peut me donner quelque chose sur le cœur pour imaginer quoi que ce soit pour la concernant? Si. Vraiment? Ah. Ok, maintenant regarde. J'aimerais bien découvrir ce qu'il y a derrière cette burqa. Regarde, ça, c'est pas la convoitise. Mais moi, j'aimerais bien. Vous savez ce qu'on appelle la convoitise? C'est qui donne l'appétit sexuel. Dans ce cadre-ci. Mm-hmm. Quelque chose, vous devez savoir cela. Il y a des places en vous. Quand vous êtes dans le monde, on dit ventre et dos dehors. Mm-hmm. Les cuisses dehors. Pas vrai? Mm-hmm. Il y a des choses, vous avez été créés. Il y a des enseignements là. Vous avez été créés pour séduire. Et vous êtes séductible et facilement trompé. On peut facilement vous tromper, c'est ce que la Bible enseigne. Alors, lorsque vous êtes couvert de la bonne façon, si un homme regarde, tant qu'il n'a pas vu vos formes, il ne peut pas imaginer ce qu'il y a dedans. Parce que si il vous donne quelque chose, c'est prendre quelque chose, regarde. Regarde ce qu'il y a couvert. Tu peux combattre ce qu'il y a dans ma main? Alors, non, je vais vous répondre honnêtement. Est-ce que tu peux combattre ce qu'il y a dans cette main-ci? Non. Essaye d'imaginer un peu, voir pour voir ce qu'il y a combattu. Alors, c'est vrai que ce sont les formes qui sont exposées qui poussent à l'homme à vouloir désirer en faisant. Est-ce que la personne ne peut pas imaginer? Tu peux pas. Moi, j'avais envie d'aller à l'époque. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose que vous n'avez pas vu. Je vais te raconter une histoire. Oui. Quand je travaillais dans une université, on fait le de Haïti. Il me disait toujours, Lili, ça. Tu ne peux même pas imaginer que quand je suis chez moi, je t'imagine comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, mais tu es mon frère, tu n'as pas mal. Elle me dit, parce qu'il t'a d'abord vu, il a vu ta forme. Si tu vois qu'il est. En plus, il t'a vu une fois, n'est-ce pas? Tu as compté la blouse chaque jour, non? Oui. Chaque jour. Mais même si je suis en Kaba. Oui. Même en burqa, si bien oui. Imaginer. Non, c'est pas ça, ma soeur. C'est pas ça, on ne peut pas faire ça. Jésus ne peut pas s'être trompé. Non, je n'ai pas dit que Jésus se trompe. En fait, ce qu'il veut dire, c'est ceci. C'est que si quelqu'un voit, quand il fait un homme te voit, tu es bien emballé, comme je dis, le saucisson. À cet instant, ta forme indique exactement ce qu'il en est. Parce que les hommes voient la pornographie, voient des formes de femmes, et essaient d'imaginer que cette forme, c'est ce que j'ai vu. Lorsque tu es ouvert décemment, on ne peut pas imaginer ta forme, et ça ne peut pas amener à la convoitise. C'est ce que la Bible enseigne. Parce que la Bible déclare la convoitise des yeux. Les yeux voient quelque chose pour convoiter. S'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas convoiter. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Si l'œil n'a pas vu quelque chose, elle ne peut pas. Je dis, l'œil peut avoir vu même si tu es habillé amplement. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure que j'ai pris quelque chose là-bas. Je mets dans mes mains, essaie de voir ce qui est dedans, tu comprends. Tu as vu cela? Mais maintenant, si j'avais arrêté ces choses, quand tu vois l'extérieur, tu vois ici le bonbon. Comme tu as vu le bonbon, tu vas dire, waouh, le bonbon qui est dans tes mains, je désire. Ce sont des formes que vous exposez qui attirent. D'accord? Si on n'expose pas les formes et qu'on attire quand même. Vous attirez comment? Comment? Parce qu'il y a des. Par exemple, il y a des gens. Ici en Europe, il y a des gens qu'on appelle les négrophiles. Oui. Ça veut dire que quand ils voient une fille noire, que tu es en pyjama, que tu es. Ils nous aiment. Oui. Donc ça dit son goût, non? Un jour, je revenais du sport. Après, j'ai été acheter le pain à ma mère. Tu vois, j'étais en t-shirt large, en training. Je revenais du sport, je transpirais. Il y a un type qui m'a suivi dans un centre commercial. Il est négrophile. Il aime toutes les filles noires de Genève. Oui. C'est un conducteur de bus, le style que même tout le monde le connaît. L'autre là, lui, il est possédé. Il est possédé. Je ne parle pas le cas général où le Seigneur a dit. Quand le chef la femme doit faire attention pour ne pas pousser à l'homme de l'autre convoité. D'accord? Chérie, tu cherches quoi? Non, je veux juste m'asseoir. Ma soeur a des soucis ici. Qui? Et ma soeur? Maman Alice. Non, non, Alice, mais toi. Ah, moi, j'ai pas de soucis. Mais le problème, c'est que. L'histoire des habits. Bon, de toute façon, il y a tout ça en séance. Non, c'est pas compliqué du tout. Si vous allez au standard des Dieux. Baba, il va. C'est où? Okay. Par où là? C'est pas évident, l'histoire-ci. Waouh! C'est directement, elle a vu. Hein. Salut! Donc. Salut, ma chérie. Voilà, j'ai l'enseignement. Hein? Tu as bien supporté hein, le Saint-Esprit au contrôle. Okay, pas ici. Elle a mangé. Comment? On va essayer dans la chaîne, vous pouvez rentrer là-bas. Ouais, et voir tous les enseignements. Il y en a combien d'enseignements déjà? Qu'est-ce qu'elle a fait le Craig là? Donc, allez. Il y a quoi tout? Oula. Comme la sœur Alice a déjà posé sa question, oui. Moi aussi j'ai. Déjà je rends grâce à Dieu parce que cet enseignement aujourd'hui il était spécialement pour moi. Actuellement, je suis en train de... j'avais un ami, je suis chrétienne, et j'ai décidé de vivre dans la sanctification. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que c'est la vie que je veux mener avec le Seigneur. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Et de tout mon corps, de toute ma chair, je suis en train de lutter parce que je veux mettre un terme à ma vie. Cette mauvaise vie. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais bien. Amen. J'aimerais bien qu'on prie pour moi, pour que le Seigneur me guide, parce que j'ai pris la décision que je ne veux plus faire ma volonté, mais je veux que Dieu fasse sa volonté dans ma vie. Amen. Et si après on peut prier pour moi, que vraiment le Seigneur me soutienne, parce que justement, dans le monde où on vit, je suis un peu marginalisée par rapport à ça. À mon âge, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de petite amie, des choses comme ça. Et je veux vraiment qu'on me fortifie par la prière. Amen. J'attends celui que le Seigneur a préparé pour moi. Il n'y a pas de persécution par le message où on t'envoie, je passe le téléphone pour te dire, pour te faire changer d'avis. Oui, c'est l'harcèlement et on doit tout le temps discuter parce qu'il veut négocier. Et moi j'ai pris ma décision, et je ne reviendrai pas dessus. Le Seigneur nous parle, hein, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Quand le Seigneur nous a déjà dit quelque chose, par rapport à ça, il m'a déjà parlé pour ça, et j'ai accepté, j'ai décidé ça. Et si maintenant, je retourne en arrière, je vais rentrer dans un grand péché, et le Seigneur va se détourner de moi. Exact. Bienvenue, d'accord. C'est notre rôle, en tant que prédicateur, de vous mettre sur la bonne voie. Et j'espère que je ne vous ai pas blessé en aucune manière. En fait, même si vous êtes blessé, ne m'en réponds pas parce que c'est quand même la vérité. Ça va faire vous faire mal que le gars là il dérange, mais c'est quand même bien pour votre âme. On va prier, d'accord. Okay. Oui. Moi, j'ai aussi un petit souci, en fait. Il y a quelque temps, je me suis mariée. D'abord, il y a un problème de pardon. Alors, c'est le gros problème là, c'est le pardon. Comment, pourquoi tu ris? Vous avez vu dans ma manière de faire quand vous étiez en train de... faire. C'est ta soeur, hein? Mm-hmm. Table. Ils sont mignons. Vous êtes mignons tous les deux. Ah, merci. 8 ans de mignon. C'est pour ça qu'il faut épouser une femme qui est ton amie. Voilà, exact. Non seulement moi et mon compagne, c'est ma mère aussi. Ouais, c'est bon. Quand vous allez écouter les enseignements, vous allez suivre la façon dont vous allez rencontrer et autres. Bon, ça fait 8 ans qu'on est comme ça. Amen. Et Dieu nous a bénis avec deux beaux enfants. Alléluia. Ça va? Bien. Les enfants, même naturellement, comme tu sais. Merci pour la page pub. Ouais. Ça nous parler. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à pardonner. Ça, c'est, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez faire une déclaration, d'accord? Il faut d'abord, à genoux, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Et tu m'as interpellé. Et je n'ai plus pu s'en parler. Je pardonne. Et puis, il y a des coups de fil. Il y a des rencontres qui doivent être faites pour régler certaines choses. Ouais. Oui. Donc, il y a quelque temps, je me suis mariée. Et j'avais une vie chrétienne en fait, mais mon mari c'est un peu du genre, lui c'est, Dieu, pourquoi tu vas à l'église, au point où, je ne sais pas, chaque fois il me faisait, c'est comme s'il me disait, c'est comme, même pas comme s'il me disait, c'est comme si, pas il m'interdisait, puis il ne m'interdit pas, mais j'ai carrément reculé, si bien qu'il y a des dimanches, même la Bible, ma mère était là dernièrement, elle la lisait, et elle a mis dans son armoire en partant. Donc aujourd'hui, comme je venais, je suis partie ressortie de l'armoire pour mettre dans mon sac, alors que la Bible c'était, je marchais en fait avec. Donc du coup j'ai beaucoup régressé en ce qui concerne la foi. Et il y a des jours, même pas beaucoup, ces derniers temps, je regrette beaucoup m'être mariée. Je regrette beaucoup m'être mariée par rapport à plusieurs choses que je vis. J'ai l'impression de ne pas être heureuse. Ça, peut-être c'est moi qui demande beaucoup, mais je suis un peu perdue. J'aimerais bien revenir. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour revenir à la vie que j'avais avant, qui n'était pas mauvaise. On va ouvrir, tu vas ouvrir la Bible devant toi dans un passage que je vais te donner. Ouvre Apocalypse. Je peux dire quelque chose entre temps. Oui, entre temps. Apocalypse, c'est l'un des. Quand je lisais la Bible, c'est l'une des parties que je n'aime pas lire. Oui. C'est vrai. Absolument. À chaque fois que j'ai lu, c'est effrayant, n'est-ce pas? J'aime pas. Déjà c'est compliqué, mais j'ai peur. C'est pas ça en réalité. Mais j'ai peur, en fait. C'est pas ça, c'est la confrontation entre quelque chose et quelque chose. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, alors, ri. Dis à maman que maman pardonne, d'accord? Elle va pardonner, d'accord? Voilà. Faut que je lui dise ça, d'accord? Regardez, chapitre 2. Ça va. Chapitre 2, c'est pour elle. Après, sur le dernier livre. Pour toi, elle prend, elle ramasse ses mots. Chapitre 2. Elle se cherche, hein. Voilà, c'est ça. On ne sait jamais. Ça me concerne comme elle parle là. C'est pas son histoire, c'est la mienne. Oui, chapitre 2. Chapitre 2. Prends le verset 5, allons-y, en lisant. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. C'est bon, souligne. Ça va, le bébé. Ça va. Donc, quand la Bible déclare souviens-toi, ça suppose que tu dois devoir te remémorer. Tu as dit exactement qu'avant tu étais ainsi. Tu vas remarquer ce qu'il en est. Ça veut dire que tu dois devoir méditer là où tu es tombé. Qu'est-ce qui a été la cause? Sinon, si tu ne sais pas quelle a été la cause, la prochaine fois tu risquerais de tomber avec la même chose parce que tu n'as pas eu à identifier quelle était la cause. Mm-hmm. Donc, il faut d'abord se souvenir de là où on est tombé. Quand tu auras fini de te souvenir, quand tu as repéré cela, il faut dire Seigneur, je me repens. Et mettre laisser aller à cette direction-ci. Puis là, maintenant, tu dis ok, maintenant tu vas décider. Je vais marcher avec toi. D'accord? Plusieurs reproches ont été faites aujourd'hui. Dans cette façon de christianisme, les gens foutistes, christianisme européen, christianisme suisse, christianisme hivernal et éthérique, ainsi de suite. Alors on va prier pour vous. Demain, vous serez là. Moi, j'ai ok. 21 heures. Ok, donc on va prier alors. Madame Tchadda. Can you please? Pour nous mettre dans la chute, pray pour elle. Elle n'a sait pas trop. Ça ne te donne pas une visite dans la maison encore. Je suis juste après à te servir. Jusqu'à 7. Hey! J'ai prophétise. J'ai dit que vous devez 7, vous penserez à maman. J'avais demandé 11. La solution doit être structurée également. Lorsque vous avez pris la décision, parce qu'en fait, le problème de la marche dans la foi, beaucoup de personnes se refroidissent tout simplement parce qu'en remarquez bien ceci. Si vous avez l'image de la marmite où on prépare avec les bois, vous avez remarqué que pour que la marmite se chauffe et cuise, le repas qui se trouve, c'est la convergence de plusieurs bois qui sont mis et qui brûlent ensemble. Si vous enlevez tous les autres bois, parce qu'il y a jamais là trois côtés, on met le bois ici, on met le bois là, on met le bois là, et on allume le feu. Au fur et à mesure, on les entasse ensemble. Si vous retirez les deux bois et vous laissez un seul bois là-bas, le feu, ça ne cuira pas. Donc si vous retirez, vous êtes à côté seul avec votre feu, vous avez le feu, le fait que vous avez l'amour de Christ, vous êtes seul, petit à petit, le vent de persécution au-delà va finir par vous faire refroidir, comme cela fait refroidir là. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a donné la solution dans 2 Timothée 2:22. Fuis les passions de la jeunesse comme tu l'as fui. Lui dit maintenant, recherche. Donc tu dois rechercher. Donc ça veut dire que la solution pour toi, ce sera de te réunir tout simplement. Quand quelqu'un va venir vers toi, première question, cette personne-ci vient vers moi pour me faire marcher en avançant dans l'œuvre de Dieu ou pour me faire rentrer en en arrière. Cette question doit être posée. Si c'est répondu, toute personne qui se place au devant de toi, parce que tu as pris une nouvelle direction, toute personne qui se met au devant de toi et qui ne doit pas t'avantager pour l'édification dans cette marche-là doit être considérée comme un intrus ou bien comme pourrant être utilisé par l'ennemi plus tard pour te faire régresser. C'est pour ça qu'il a dit fuis les passions de la jeunesse. Puis il recherche la foi, l'amour, la joie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, ces femmes dérangent, d'accord. Elles dérangent. Si ce n'est pas le soupçon qu'elles portent sur elles, c'est autre chose. Elles dérangent les enfants, n'est-ce pas? Voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, la Bible déclare, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si vous voulez que votre mère soit corrompue, c'est très simple. Allez au casino. Vous allez voir vraiment, vous allez voir les bonnes compagnies qui vont vous corrompre les bonnes mœurs. Cette mœurs-là. C'est ça, oui. Alors, donc, la solution, ce serait donc maintenant, première chose, je dois sélectionner et scanner mes amis et mes relations. Dès demain, soit tu auras, n'est-ce pas? Tu veux? Donc, la première chose à faire sera de scanner, de sélectionner, de scanner mes amis. D'accord? L'autre chose, ce sera de passer le temps, selon Jacques, chapitre 1, que nous avons lu. Passer le temps. Selon Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25, qu'on a lu aujourd'hui, dans la loi parfaite, parce qu'on a dit là-bas que plonger les regards, n'est-ce pas? Pour ne pas être une lutteur oubliée. Ça va, toi? Ça va. Elle ne doit pas rester normalement sur son poids. Parce que la colonne n'est pas encore solide. Elle est passée, si. Tu te souviens, n'est-ce pas? Elle a dormi comme ça. C'est bon? Fais confiance à Dieu dans la marche. Fais confiance à Dieu dans sa marche. Si c'est bon, je continue. C'est bon? Oui. Filtrer. Et tronquer. Les distractions. Et les plaisirs inutiles. Autant de jeûnes, autant au pluriel, autant de jeûnes et de méditations. Autant de jeûnes et de méditations. Et de méditations dans l'intimité. Dans l'intimité, en vue de rechercher la face de Dieu. Alors, dans la marche chrétienne, tout est grâce. Dans la marche chrétienne. Ce n'est pas la force que tu peux avoir à témoigner de quelque chose. C'est pour ça qu'il faut compter sur le Seigneur. Tu ne comptes pas sur le Seigneur comme ami. Mais il a fait la promesse qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Ça va bien. Ça va. Parce que ta mère. Tu vois, elle ne va pas te donner un petit sel. Elle a beaucoup de gaz dans le ventre. Donc c'est ça qui fait qu'elle réagit comme ça. Chaque fois quand ça ne sort pas, il faut beaucoup la faire. Faut qu'elle gâte. Et qu'elle coupe. Ça va, n'est-ce pas? En lisant tout cela, il y a des questions à poser. Ok. Venez préciser quand même. Viens. Tu vois encore un peu d'eau à boire. Ouais. De l'eau, elle prend de l'eau, non? Non. En principe, si tu lui donnes du lait artificiel, tu dois lui donner de l'eau. C'est pour ça qu'elle est mal à l'aise. Si par contre, si tu donnais le sein, tu lui donnes peut-être un seul biberon par jour. C'est le biberon. Elle a des gaz. C'est bizarre que. Même si c'est juste une purée, en passant. Tu t'accroches la soeur, elle va faire. Et quand elle fait, elle est à l'aise. C'est pour ça qu'elle a dormi. Ça va. Ça va faire bien gazer là-bas. Attends, donne-moi ça. Tiens. Ça va. Mais en dehors de ça, vous avez un problème spirituel. Donc nous allons prier. C'est la prière que nous allons offrir là, c'est pour que Dieu te fasse marcher dans la voie de la sainteté. Et qu'il fortifie ta foi pour que tu ne recules plus en arrière. D'accord? C'est cela. Et en plus de cela, que Dieu. Et cette prière, ce qu'il veut faire, la deuxième phase de cette prière-là, il faudra le faire chaque fois. C'est cette prière, ce qui nous a gardé jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois dans notre intimité, nous prions, Seigneur, éloigne de nous toute personne qui ne vient pas selon ta volonté. Lorsque quelqu'un vient une, deux, trois fois, après il disparaît, on comprend que Dieu l'a chicoté, qu'il rentre. Mais nous le faisons dans l'intimité. Alors, nous, on va prier pour que toute personne qui viendra vers toi, s'il n'est pas de Dieu, que Dieu les éloigne d'une façon ou d'une autre. Mais c'est dangereux parce qu'il se pourrait que les gens que vous aimez, et puis vous faites ci, vous appelez, quelqu'un vient et fait, vous comprenez que c'est la prière. D'accord? Alors, prions donc. Père, ta volonté, ô Dieu de gloire, c'est que les hommes, tous les hommes apparaissent à la connaissance de la vérité. Et sur la terre, Dieu de gloire, tu as envoyé ta parole, et ta parole court avec vitesse. Elle a trouvé le cœur de ta fille, Père de gloire, qui a décidé d'en découdre avec ce siècle et de vivre sans tache ni ride dans ce monde en attendant l'avènement de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, dans cette course-là, Père, nous avons des persécutions et des choses qui nous attendent journalièrement. Et chacun de nous, as-tu dit dans la Bible que tous seront là qui veulent vivre pieusement jusqu'ils seront persécutés. Elle aura subi des moqueries, des pressions de la part de l'ennemi. Et notre prière, ô Dieu de gloire, ici maintenant, c'est que tu soutiennes sa foi et que tu la gardes de façon irrépréhensible pour qu'elle tienne ferme jusqu'à la gare. Je prie, ô Dieu de gloire, en compagnie de mon épouse, que cette puissance-là que tu as déversée dans nos vies pour nous faire marcher dans la voie de la sainteté lui soit accordée également. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu guides son cœur vers les choses les meilleures. Que tu orientes ses pensées, Père de gloire, dans le choix que toi tu auras désiré pour elle. Je prie par-dessus tout, Père, que tu éloignes d'elle, ô Dieu de gloire, toute personne qui ne viendrait pas selon ta volonté parfaite pour la faire marcher dans la voie de la sainteté. Que toute personne envoyée par l'ennemi tombe sous son pouvoir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute destinée qui lui soit présentée dans sa vie, tout choix qui lui soit présenté dans sa vie, qui ne vient pas de toi, soit annulé. Tout ce qui est destiné par toi à la retirer, pour qu'elle puisse, au Dieu de gloire, refuser de marcher ou d'une façon ou d'une autre dans la voie de la sainteté et de la droiture, que ces choses-là soient coupées. Et que tout ce que l'ennemi planifierait dans les ténèbres contre elle, avec la vie de quiconque l'a fait tomber dans le péché, Seigneur, que toi seul aies miséricorde d'elle et la préserver sous ta grâce. Nous te la recommandons, Père, afin que toi-même tu extampilles de tes empreintes sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse également. Amen. Que Dieu te bénisse.